You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Alors, bienvenue à cet épisode numéro 93 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro. Hey! All boys team ce soir. Salut les gars. Tabarnak, j'ai de la testostérone dans la place. Hey, vous les avez peut-être pas reconnus, mais avec moi j'ai Steven de François. Salut Steven. Hey, salut Sébastien. Ça va bien? Ça va très bien. Mon plan de vous balancer en dehors du podcast pendant que j'en faisais un autre de l'autre côté n'a pas fonctionné. Non? Ça a pas marché? Comment ça? Je sais pas, j'ai laissé faire d'autres, finalement je suis revenu avec vous. Bon, c'est bien ça. Tu t'es dit deux podcasts avec Marc-Antoine, c'est pas l'idéal. Ah, ouais, un c'est en masse. Et on a aussi Jeff Tremblay. Salut Jean-François. Salut. En forme? Oui, pour reprendre les mots de cette grande poétesse Kathleen, ça va bien? Hey, on vous. Pour tous ceux qui sont pas nés dans les années 80-90, on vous dirait d'aller googler Kathleen, ça va bien. Ça va être superbe dans vos oreilles. Je vous le dis tout de suite, on le met pas en intermède musical pendant l'épisode. Là! On le met là! Là! Tu sais qu'il y a un retour. Hein? On veut pas le savoir, ça, c'est comme la chicane, là. Avez-vous entendu leur tune en passant? J'ai pas osé. Man, c'est épouvantable. Tu me rends curieux, là, je vais aller voir. C'est vrai que ça vaut la peine tellement que c'est pas bon. Ça a déjà été bon? Bonne question. Hey! Ben oui, Vicky est pas avec nous autres, les gars. C'est pas parce qu'on est. Pas parce qu'on l'a busté ou quoi que ce soit. C'est que Vicky, il y a de quoi de gros qui s'en vient. C'est le premier anniversaire de la capsule. Sérieux, hein? Je dis que ça passe vite. Déjà un an qu'elle roule ça. Donc, c'est ça, le 25 août, qu'elle fait une grosse fête pour ça. D'ailleurs, il faudrait partager ça sur la page Horror Gamer, là, s'il vous plaît, si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, puis vous vous dites depuis longtemps, « Ouais, il faudrait peut-être que j'aille voir ça, la capsule, là, puis ça, là, Vicky. » Ben, le jour où ce qu'elle fête, là, un an de la capsule, je pense que ça serait le top, là. Ça serait vraiment génial. Fait que vous irez voir ça, on va partager sur notre mur Facebook. En plus, la bière va être gratuite. On dit ça, mais il n'y a aucun de nous trois qui l'a vu. Écoute, non. Hey, moi, j'étais à 5h30 de route de là. Ben, moi aussi. Jeff, toi aussi. À peu près. Mais il y a Steven, par exemple, qui est quand même proche. Écoute, j'ai quand même une bonne raison. J'ai mal aux pieds. J'ai plein de problèmes de dos aussi. Là, puis... C'est correct. Preuve acceptée. Une vieille blessure de guerre. Non, mais on dit pas, par exemple, qu'éventuellement, il n'y aura pas quelque chose de spécial à la capsule avec le gamer puis tout ça, mais c'est encore dans les peut-être. Ce qui n'est pas un peut-être, par contre, checkez bien le lien, c'est que la page Facebook d'Horror Gamer a jamais été aussi populaire et populée. vraiment, on avait parlé lors du dernier épisode à la fin qu'on allait faire un tournoi. On avait cherché le nom, on ne savait pas encore. Finalement, on appelait ça l'arène du mal. Merci JF pour ce nom. Dans toutes les suggestions que tu as données, il y en avait à peu près 40-80 des suggestions. Écoute, il a fallu inventer un nombre pour ça. La Reine du Mal, c'est ce qui est resté. Donc, on a fait affronter 16 vilains de films d'horreur que vous nous avez suggérés. On a pris les 16 plus populaires. On a pigé l'ordre des combats au hasard. Fait que c'est sûr que ça a donné des trucs qui étaient un peu bizarres, inégaux. On s'excuse, on recommencera pas. L'année prochaine, on va y aller avec de quoi de plus... calculé. Mais ça a quand même fait en sorte que notre page Facebook a maintenant 60 membres de plus. Alors, je ne sais pas si les 60 nous écoutent présentement, mais merci beaucoup d'être là. On espère que vous allez aimer être des nouveaux membres de la page Facebook et des nouveaux auditeurs d'Horreur Gamer. Parce que honnêtement, on se le cachera pas. On a quand même fait cet événement-là pour aller chercher un peu de nouveaux fans puis faire bouger la page. Chose qui est complètement fou. Là. On a eu des publications qui ont dépassé le 100 réactions. Là. C'est jamais arrivé. Ça, cherchez pas, là, c'est jamais arrivé. On a des commentaires en fou. Le monde nous donne les hypothèses sur les déroulements des combats. Il y en a qui sont vraiment funnés. Là. Ouais, c'est vraiment cool. Le monde a beaucoup d'imagination. Vraiment, puis, ça rajoute beaucoup au combat, c'est fun. Oui, c'est ça. Ça se contente pas juste de faire une réaction like un ou l'autre. Là. C'est vraiment... Alors, ouais, lui, il fait ça, puis lui, il va faire ça. Puis, non, c'est vraiment très, très cool. Là. D'ailleurs, ce soir, c'est Pennywise du film It. De Stephen King, celui de Tim Curry évidemment, parce qu'on connaît pas encore de quoi aura l'air le nouveau, versus Freddy Krueger. Freddy Krueger est en train de sacrer une volée à Pennywise, je vous le dis là. Malgré que mais là il est dépassé 9h, fait que vite de même, ben je pourrais vous annoncer le score final de ce combat là. Vous autres les gars, vous aviez-tu voté? Non, pas encore. Non? Moi, j'ai l'impression que c'est un combat qui se balance à coups de blagues tordues. À coups de blagues tordues. Ah! Ben, il y avait quelqu'un qui avait dit, et ça, j'ai trouvé ça cool, c'est que Freddy utilise les peurs. Non, Pennywise utilise les peurs des gens pour se manifester devant eux puis les détruire. Freddy a peur de rien. Donc, j'ai trouvé ça pas fou. C'est vrai que si tu veux tuer Freddy en faisant peur, bonne chance. Donc, on a eu 84 réactions pour cette publication. 61 pour Freddy, 23 pour Pennywise. Alors, c'est à plate couture que Freddy sac une volée à Pennywise. J'ai hâte de voir lequel commentaire qu'on va choisir. Et je sais pas, ça va être quoi demain. Je me souviens plus. Je fais une prédiction. J'allais écouter l'épisode peut-être bien après que ce soit tout fait. Ça se finit en Freddy versus Jason. Moi, j'ai un feeling que ça va se finir en Freddy versus Jason. Et si c'est ça... Trop facile. Écoute, man, ça s'en va vers ça. Là. J'y vois aller, puis je fais comment, mon Dieu. Tu sais, je regarde les possibilités de... Ah non, ça se pourrait que ça soit ça. Et si ça se finit en Freddy versus Jason, enfin, on va avoir une vraie conclusion à ce duel. On a une vraie conclusion. Wow! Le film nous laisse quand même sur un... Il pourrait en avoir un deuxième. Non, il n'y en aura pas. Il y en a un qui va mourir, les deux. On vous dira dans 5 jours. On va le savoir donc vendredi prochain, si je ne me trompe pas. J'ai bien, bien hâte. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Là, ceux qui nous ont joints à ça, c'est vraiment, vraiment débile. On va essayer de faire d'autres trucs comme ça, sans trop non plus devenir une page de tournoi. Il y en a beaucoup d'autres qui le font. Sur ça, les gars, Steven... C'est ta shame list. Écoute, c'est ma shame list, c'est mon épisode de honte, mais en même temps, c'est mon épisode de excitation, parce que la première fois, Sébastien, c'est toujours excitant, on se le cachera pas. Fait que, oui, j'ai honte, mais en même temps, je suis content de découvrir des classiques que je n'ai jamais vus. Des classiques? Vas-y donc, c'est quoi les deux films qu'on... Eh bien, je suis un gros fan de David Cronenberg. Enfin, je trouvais que j'étais un peu poche de ne pas encore avoir vu The Brood. C'est-tu le seul que tu n'avais pas vu? J'ai pas vu celui-là, puis Dead Ringer. Fait que j'ai choisi celui-là parce que j'en entendais beaucoup plus parler que Dead Ringer. Et c'est ça. Cool. Et le deuxième, j'ai été avec un gros morceau que tu as souvent mentionné, Sébastien. Puis j'ai même demandé conseil aux gens parce que j'avais de la misère à choisir. Puis ils m'ont tous dit « Oui, vas-y avec celui-là. Fait... » The Changeling de 1980, film de fantôme que j'ai loupé. Fait que c'est ça. Good. Fait que bon, mon opinion pour ce film-là est déjà connue parce que ceux qui connaissent le podcast savent que j'ai souvent recommandé. Mais j'ai bien bien hâte qu'on en jase. Donc, on va laisser une petite madame crier, puis on se retrouve tout de suite après avec The Brood. Eh bien, on commence mon épisode Shameless avec The Brood de David Cronenberg, un film de 1979 qui met en vedette Oliver Reed, Samantha Eggert et Art Indall. Et ça raconte l'histoire de Frank Carvet, qui est en instance de divorce avec sa femme Nola, qui est instable mentalement, est en mode dépression ou elle a des problèmes psychologiques reliés à son passé. C'est pas trop clair au début. Et elle suit un fameux docteur Radlin qui possède une clinique expérimentale et il est l'inventeur d'une thérapie révolutionnaire qui se nomme, si je ne me trompe pas, psychoprotoplasme. Psychoplasmique, je pense. Psychoplasmique. Plasmique, qui fait en sorte que qui permet à ses patients d'extorier. Oh, excusez, mon vinyle était coincé. Il avait enregistré sa critique sur vinyle. On fait tout ça. Qui est l'inventeur d'une thérapie révolutionnaire qui permet à ses patients d'extérioriser leurs troubles mentaux par des espèces de manifestations organiques, des plaies, des tumeurs ou des espèces de gales, des genres de boutons. C'est quelque chose qui semble fonctionner quand même assez bien sur les autres patients, alors que sur la femme de Frank, elle va développer un symptôme assez anodin qui va entraîner des moments de terreur, on n'en dit pas plus. C'est alors que la jeune fille de Frank, parce que les deux ont un enfant, elle passe une fin de semaine sur deux avec sa mère là-bas et elle va revenir avec toutes sortes de blessures sur son dos, des coups, et le père va soupçonner que la mère peut-être qu'elle est là-bas. Fait qu'il va essayer d'enquêter, de savoir qu'est-ce qui est arrivé exactement parce qu'il n'est pas capable d'avoir la garde de sa fille. Fait qu'on va suivre l'enquête de Frank qui va découvrir des choses diabolique. Steven? Oui, c'est comment t'as trouvé ça? Écoute, je l'ai dit en début d'épisode, j'étais un gros fan de David Cronenberg, j'avais honte de ne pas avoir vu The Brood, et si avec Rabbit et Shiver, on avait un avant-goût de ce que David Cronenberg allait nous offrir avec son style et ses thématiques, The Brood, c'est son premier chef-d'œuvre et oh my god, voir que j'ai loupé ça! Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de voir ça? Premièrement, c'est un film. C'est le premier film de Cronenberg qui a eu plus de budget, contrairement à Rabbit et Shiver. Fait que tu le vois déjà en partant. Ouais, ça paraît. David Cronenberg a un budget vraiment confortable. Visuellement, c'est son plus beau film si on suit ce qu'il a fait après les autres. Et un casting de très bonne facture, parce que là, il y a quand même des acteurs de grand talent, tandis que dans les autres films, c'était plus des acteurs amateurs. Et écoute, n'importe quel fan de Cronenberg va retrouver tout ce qu'on aime dans son cinéma là-dedans. C'est un film où ça va traiter encore une fois des changements organiques. C'est un film où que David Cronenberg va parler. Ben, en fait, c'est un film qui fait très personnel à David Cronenberg et c'est lui-même qui l'avait mentionné dans une espèce d'interview où il disait que c'était quasiment un film autobiographique, mm-hmm. Puis que c'était pour lui quasiment une version plus personnelle de Kramer contre Kramer, que moi, j'ai pas vu celui-là, fait que je peux pas vraiment avoir une influence que ça a faite. Puis David Cronenberg, il était en instance de divorce, lui, avec sa femme, puis il était... qu'il essaie d'avoir la garde de sa fille, mais il était pas capable, puis sa femme était comme sous l'influence d'une espèce de secte médicale, peu importe. Ça semble pas mal être lié à ce qu'on voit dans The Brood en tant que tel. Il s'amuse à extérioriser ça. Mais c'est ça, c'est un film où que il va élaborer sur la psychologie humaine de façon vraiment intelligente. J'adore comment c'est écrit dans le film. C'est vraiment... on retrouve vraiment la patte du réalisateur dès le début avec une espèce de dialogue entre le docteur puis un patient. Puis on va voir un peu comment il fait. Cette intro-là me faisait penser à l'intro de Scanner. Ouais, ça fait penser à Scanner, mais... C'est peut-être avec l'ambiance, je veux dire, pas le dénouement, là, mais... Non, quoi dans cette ambiance-là, de la manière que c'est tourné, ça me faisait penser à Scanner. Ben, la manière que David Cronenberg, il développe les personnages scientifiques puis les hypothèses, ça ressemble tout le temps un peu dans le même style. Là. Il y a une manière assez unique à lui d'élaborer ses thèmes de même. Puis... Là, on y va dans le petit avis rapide, parce qu'on va parler plus en détail, mais j'ai vraiment trippé sur The Brood. Je trouve que c'est un film terrifiant, mais super intéressant à la fois. Je trouve que David Cronenberg a tout le temps utilisé le film de genre, surtout les films d'horreur et de science-fiction, pour élaborer des thèmes qui pourraient quasiment être faits ailleurs, mais lui, il l'utilise comme ça, puis au lieu que ça soit juste des films d'horreur, je trouve qu'il prend les scènes d'horreur puis il fait quoi avec là-dedans. C'est pas juste des scènes d'horreur gratuites ou oh, c'est juste un film d'horreur, je suis en train d'en faire. Il y a de quoi de relier à tout ce qu'il essaie de dire dans son film. Et les acteurs sont vraiment écœurants là-dedans. J'ai vraiment trippé sur la performance de Samantha qui joue la mère là-dedans. Elle a des scènes incroyables. Sa performance est vraiment géniale. Puis, écoute, j'ai pas envie de trop mais tout de suite tout dire parce que moi, si je pars, je vais commencer à tout élaborer. Là, mais je vais juste dire que globalement, j'ai vraiment trippé puis je suis prêt à en parler avec vous autres. Jeff, on connaît ton opinion. J'ai hâte de t'entendre nous l'expliquer. Il n'y a pas grand-chose à expliquer tant que ça. Je l'ai vu l'année passée, je l'avais emprunté à ma bibliothèque, c'est la version Criterion qu'ils ont, eux autres. Cool. Fait que j'étais curieux. C'était aussi un genre de chez... Ben, c'était même pas un shameless, c'était même pas honteux de ne pas l'avoir vu, ça ne m'attirait pas plus qu'il faut, en fait. Mais je suis fan de Colin Bird, je suis fan de plusieurs de ses films, comme The Fly, comme Dead Zone, puis Videodrome. Mais, puis j'ai vu ses deux premiers aussi. Mais lui, je sais pas, ça me parlait pas bien, puis... Je l'ai pas aimé quand je l'ai écouté. J'ai vraiment pas accroché à rien dans le film. T'sais, aucun des personnages, aucune des situations. Je trouvais le gore... les effets sont bien faits, mais ça me... C'était comme c'était juste pour choquer. C'était juste pour... Selon moi, en tout cas. Puis là, ben, quand Steven a annoncé qu'on regardait ça, j'ai fait « Ah non, ça me tente pas de le revoir. Puis... » Mais tu sais, au final, je suis pas mécontent de l'avoir revu parce que je l'aime un petit peu plus, mais je suis pas non plus un... toujours pas fan de ce film-là, puis j'ai pas vraiment envie de le revoir une autre fois, une troisième fois, là, t'sais. Vicky voudrait le faire dans sa shameless à elle. T'es-tu parti? Ah! C'est drôle, ça. Non, je pense que je vais passer mon tour, là. C'est correct. J'ai vu deux fois dans ma vie, c'était en masse, il y a d'autres choses à voir que ça, là. Non, je sais pas, je le vois pas comme les autres films de Colin Bird. T'sais, The Fly, ça reste mon préféré, puis avec Dead Zone, c'est mes deux préférés, mais... Bon, lui, ça vient, c'est parce qu'il faut que ça vienne me toucher, puis lui, je sais pas, ça vient pas me chercher. Et pourtant, j'aime beaucoup Oliver Reed, j'aime beaucoup Art Tindall. D'ailleurs, Steven, tu sais peut-être pas, mais on l'a vu en personne, toi et moi, Art Tindall à Fantasia. Durant la projection de Monster Brawl, il était là. Il est dans Monster Brawl. J'ai oublié ça. C'est une des raisons pour laquelle j'allais à ce visionnement-là, c'est parce qu'il était là. C'est un gars que j'aimais beaucoup depuis plusieurs années. Il est dans L'Évasion des profanateurs, il est dans plein de films. Ouais. Puis, fait que non, mais c'est ça, il y a beaucoup de bons acteurs, puis mais ça vient pas toucher rien, t'sais, aucun des dialogues qui m'accroche, je le trouve long, je le trouve plate, il y a beaucoup de scènes qui se passent rien, t'sais, ce qu'on dévoile tout de suite, t'sais, la créature qui tue la grand-mère, c'est quasiment tiré de Don't Look Now, là, t'sais, c'est quasiment copié. Ouais, clairement, il y a une influence là-dessus, c'est sûr. Là. Ça, ouais, pas... t'sais, je sais pas, je trouvais que c'est juste du choc pour du choc, mais tu sais, ça vient pas me rejoindre. Je comprends que les gens puissent aimer ça, mais moi, ça vient pas me rejoindre, c'est ça. D'accord. C'est ça, en gros. Bon, ben, moi, The Brood, c'était ma deuxième écoute, je crois. Moi, j'avais adoré ma première écoute et j'avais vraiment hâte de le revoir. Et ça m'a encore passionné, vraiment. Ma deuxième écoute était encore le fun, était peut-être moins bonne que la première. Certains trucs qui m'ont semblé un petit peu plus longs. Ça reste que c'est un film qui a certaines images choc, surtout vers la fin. Moi, je m'étais fait vendre ce film-là avec cette image choc au départ. Fait que je savais exactement où le film s'en allait. C'était un peu dommage, mais ça reste que c'est pas ça qui va gâcher le film ou pas. Ça reste que cette image choc-là, on va vous en parler dans la section spoilers. Moi, j'aime beaucoup. Ben, tu vois, Jeff, le fait que la créature fasse penser à Don't Look Now, moi, c'est mon Don't Look Now, finalement. Avoir une créature une fois dans ce film-là, c'est meilleur que tout Don't Look Now, ben, au complet. Toi, la première apparition, je l'aime, puis après ça, les autres, comme je vois trop le maquillage, puis j'aime moins ça. Ben, oui, la première est plus efficace, en effet. Ça, c'est une des choses. Sauf que... C'est pas la meilleure, je trouve. Hein? La première est vraiment efficace, j'adore cette scène-là, mais pour ma part, la scène dans la garderie... Ben, j'allais dire dans l'école, la scène dans l'école, je l'avais complètement oubliée, et quand elle a commencé, j'ai fait comme, ben non, mais tape, il me semble que dans ma tête, c'est ça qui se passe à la fin de cette scène-là, puis non, je dois me tromper, puis là, j'étais comme, tabarnak! J'étais comme, tabarnak, ok, il est allé jusqu'au bout. Ma blonde n'écoutait pas le film avec moi, mais elle est comme juste venue checker à ce moment-là, puis elle était, qu'est-ce que t'écoutes là? J'ai trouvé vraiment efficace. C'est juste que, il y a quelque chose dans ce film-là qui me gosse. Puis c'est là que ça m'a frappé. Puis c'est quelque chose qui me gosse dans certains vieux films. On voit ça un petit peu moins aujourd'hui parce que les films d'aujourd'hui sont un petit peu plus verbieux. Mais le personnage d'Art Hindle a souvent tendance à ne rien dire quand il faut dire quelque chose. Tu sais, là, ça me gosse, là. Tu sais, là, sa fille est en détresse, là. Il va la main dans la face, là. Il la trouve, puis il dit pas « Papa est là », il dit rien, là. Il la pogne, il enlève les mains dans la face, puis il est comme... Ce que je fais présentement, là, j'ai dit aucun mot, ben, il dit aucun mot. Tu sais, t'es comme « Man, parle! » Parle, parle, dis des choses, exprimez-vous. Tu penses que c'est un père d'une autre génération? Je sais pas, non. Ce qu'il pensait. Ah non, je sais pas, il y a de quoi là dans ce... Tu sais, il rentre dans la classe, la garderie, il trouve la professeure, puis il dit pas un mot, dix mots. Tu sais, les enfants autour, t'es comme, voyons donc. Moi, je fais comme, OK, les enfants, on sort d'ici les enfants, OK? Puis là, j'irai chercher quelqu'un d'autre. Là, il est juste comme... Je vais prendre le dessin puis je vais mettre sa face. Non, mais c'est parce que quand il arrive là, c'est parce qu'il focus sur le fait que sa fille. En premier, il regarde alentour si sa fille est là puis il voit que sa fille est plus là. Fait qu'il se dépêche d'aller dehors. Non, avant qu'il se rende compte que sa fille est plus là, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, tu sais. Ça il prend énormément de temps, mais qu'il se rende compte que sa fille est plus là. Il trouve le cadavre, il regarde, il pogne le dessin, il le met sur le visage, puis après ça, il cherche sa fille, tu sais. C'est bizarre. Je trouve que c'est un personnage qui a l'air un peu déconnecté de tout ce qui arrive. Il y a ça qui me gosse. C'est surréaliste. C'est ça qui me gosse. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, admettons, il y a une gardienne impromptue chez lui, tu sais, à cause d'un événement. Puis à cause de ça, il est obligé de rester chez lui vraiment longtemps. Puis quand il arrive chez eux, elle dit « J'ai essayé de te rejoindre plusieurs fois. » Puis je m'excuse. Là, t'es comme, mais dis-y ce qui s'est passé. Ton beau-père vient de se faire tuer. Tu sais, je suis obligé d'aller l'identifier quelque chose à mort. Tu sais, dis-y, ça se dit. Tu sais, ça me gossait. Tu sais, le personnage a fini par me gosser. La première fois, ça me gossait pas. Mais la deuxième fois, le personnage principal m'a gossé. À cause de ce genre de réaction-là. C'est pas un mauvais acteur. Parce que je pense pas que c'est l'acteur qui est en cause de ce manque de cohérence, en tout cas, je trouve. Mais c'est ça, il y a de quoi qui me gossait. La petite fille, ça reste que c'est le syndrome des petites filles des années 70. Oh, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, là, tu sais. Je l'aime pas, elle n'a pas d'émotion, rien. Mais je sais que ça fait partie un peu du personnage. En même temps, c'est un enfant. Je veux dire, elle agit comme un enfant. Non, je sais pas ses réactions. C'est vraiment juste, c'est son acting. Ça n'a aucun rapport avec ses réactions. C'est son acting que je trouve pas bon. Mais c'est pas la petite fille de Poltergeist. C'est pas pareil. Mais Samantha Eggar puis Oliver Reed torchent. Oliver Reed, tu le détestes. Là. Tu le détestes vraiment. Là. T'es comme un trou de cul. Puis Samantha Eggar, elle est trop intense. Elle est vraiment là. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment malade dans ce film-là. Là. Ça m'a vraiment surpris. Puis tu sens. Tu sais, admettons, il nous dirait non, c'est pas un film autobiographique sur Ma séparation ou quoi que ce soit, je m'excuse, mais ce personnage-là, il est vraiment... Il n'y a aucune rédemption là, ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, ce personnage de femme-là, c'est pas un bon personnage, pas une bonne personne. Tu sens vraiment lui qui fait comme non. Elle n'obtiendra pas son moment où on va faire comme « Ah, oh, je la comprends maintenant. » Non. Non, non, non. En même temps, je pense que c'est... Cronenberg s'amuse à critiquer un peu les effets de la science. Puis, on s'entend que le corps humain et la psychologie, c'est une chose qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre à 100%. Fait que, il s'amuse à élaborer là-dedans. Puis il nous montre les deux côtés de la médaille. Il nous montre l'expérimentation du docteur Reedland qui peut fonctionner, qui peut avoir des effets bien sur une personne, tandis que ça peut avoir l'effet tout le contraire d'une personne qui est instable mentalement. C'est un peu ça qui arrive avec elle, dans le fond. Là. C'est juste que ça se dégrade complètement à cause de... Ouais. De son expérimentation. Tu sais, peut-être que toutes les choses auraient pu s'arranger sans ça. Là. Peut-être, en effet. Ben moi, personnellement, je trouve que c'est pas le meilleur Cronenberg parce qu'évidemment, c'est son premier gros film. Puis il a su élaborer son style avec les films suivants. Tu sais, je crois que Vidéodrome et tout ça, c'est supérieur. Mais j'ai trouvé que The Brood, c'était son film le plus malsain. Les 20 dernières minutes du film frappent vraiment comme peu de films de Cronenberg m'ont frappé, pour être bien honnête. Les images sont très marquantes de ce qu'on y voit. Mais j'aime beaucoup la manière qu'il alterne entre drame familial, puis critique certains points là-dessus, et le côté science et changement corporel extrême qu'il y a dans le film. Puis j'aime qu'il est là-bas sur le fait que, dans une situation où que le père avec son enfant voit que sa fille peut être battue par sa mère, puis que sa mère est vraiment plus apte à s'en occuper, mais qu'il peut rien faire parce que le père est encore perçu comme en dessous de la mère. Mmh. Fait que pour un père de réussir à avoir son enfant la garde, c'est extrêmement difficile. Puis ça, je crois que ça n'a pas vraiment changé de nos jours. Je crois que c'est tout le temps autant difficile d'essayer de prouver tout le contraire puis d'avoir la garde. Puis je trouve ça intéressant qu'il apporte ça dans ce film-là. I guess que c'est une chose qu'il était en train de vivre, justement. Ouais, c'est ça, là. Ouais. C'est que c'était quelque chose de courant ou pas, c'était quelque chose d'hyper personnel. Fait que, tu sais, c'est normal que ça venait le toucher beaucoup là-dessus. Là. Sinon, j'ai le goût qu'on parle de la dernière image du film. Ben, en tout cas, des derniers temps. Pour ça, il faudra aller en section spoilers. Fait que juste avant, je sais qu'on n'en a pas. Écoute, je pense qu'on n'a jamais fait une critique aussi rapide que ça, mais. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter sur The Brood? Ben, je trouve ça intéressant quand vous dites que c'est un film personnel. Je l'avais lu ça aussi, puis j'étais en train de réfléchir, puis je me dis, tu sais, les gens dans le film traduisent leur rage, parce que c'est ça un peu le titre du livre du docteur, là, c'est The Shape of Rage. Ils traduisent leur rage par des plaies ou par d'autres choses, un cancer, des affaires de même. Puis dans le fond, c'est un peu ce que Cronenberg a fait en faisant son film. Il a traduit sa rage. Puis c'est un peu ce que tu fais en tant qu'artiste, tu vois. Ouais. Entre tes émotions les plus profondes, les plus dures, les plus intenses, puis traduire ça en film. Puis comme tu dis, Steven, ça fait malsain comme film un peu à cause de ça, parce que ça vient d'un sentiment de rage probablement envers sa femme, son ex, ouais. comme Seb dit, qui n'a pas de rédemption dans le film, là. Non, zéro, puis une barre, puis tu sais, c'est ça, il y a un petit malaise justement avec tout ce qui se passe, que tu fais comme, ok, c'est une pensée refoulée qui est en train de se réaliser. Mais les séances entre le docteur Ridland puis les patients sont vraiment malsaines, parce que sa technique, c'est vraiment de la manipulation psychologique. Vraiment. Fait qu'il se fait passer pour, le premier patient qu'on voit, il se fait passer pour son père qui d'après ce qu'on voit, l'a jamais aimé, puis l'a probablement maltraité. Puis il est juste en train de refaire vivre les mêmes situations qu'il vivait jeune, ouais, pour les refaire sortir. Mais je me sentais vraiment mal à l'aise. Puis même chose avec la mère, quand on voit le personnage de Samantha qui fait les séances avec lui, puis qui se fait passer pour son père, comme j'ai été là pour toi, je t'ai protégé contre ta mère qui était alcoolée, puis qui te battait. Puis comme non, justement, tu ne m'as pas protégé. Puis là, ça fait ressortir des vieux bobos. Puis je trouvais ça malaisant. Je suis comme, est-ce que j'accepterais ce genre de séance-là pour essayer d'aider ma mère ou peu importe quelqu'un? Ouais, puis tu sais, ça change rien pour le premier patient, puis probablement pour les autres aussi. Non. Parce que quand il voit le personnage d'Artindle, il dit, tu veux-tu être mon père? Tu veux-tu être... Parce que l'autre, il veut plus l'être, le docteur. Réglé, là. Fait que, dans le fond, il règle pas les problèmes avec son vrai père. Il cherche un père de remplacement, puis il va en chercher un tout le restant de sa vie, tu sais. Tu sens que le docteur veut pas soigner ces gens-là. Il a juste découvert qu'il est capable de faire en sorte que leur rage est extériorisée par des phénomènes physiques. Puis ça l'intéresse. C'est des rats de laboratoire pour lui. Ouais, vraiment. C'est des recherches, là, tu sais. Ouais, ouais. Quand il y a de quoi d'important qui se passe, tu fais comme, OK, renvoyez-les toutes, là, on les jette, là, tu sais, là. Je vais juste garder la femme de Jack. Tu fais comme, il n'y en a rien à cirer de ses patients, là. Et pour lui, là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est des rats de laboratoire. Puis qui crève au beau milieu d'une expérimentation, on s'en fout, là. Moi, tant que j'ai mes résultats. Puis quand le film tombe un peu plus dans le côté du film d'horreur avec les scènes, ouais, de meurtre, moi, je trouve qu'ils sont vraiment bien foutus. Puis, il y en a des bonnes. Encore une fois, je trouve que c'est malsain. Même les scènes de meurtre, je les trouve vraiment malsains. Puis quand tu connais un peu plus l'origine des créatures puis comment c'est relié, je trouve que ça fait juste amplifier encore plus ça. Puis moi, la scène de l'école, comme je dis, je trouvais vraiment qu'elle frappait, là. Je trouvais que c'était une scène très malaisante. J'imaginais pas à l'époque, même en 1979, les gens dans la salle qui étaient en train de voir ça. Non, vraiment. Là. Non, c'est ça. Dans mes deux visionnements, j'ai une scène qui m'a vraiment marqué. Puis ça m'a touché. Quand le reste du film me touchait moins, mais ça m'a touché. C'est quand le grand-père il est dans la maison tout seul après le meurtre de la grand-mère, puis il est sous. Puis il s'approche du tape, la forme du corps de la terre, puis il se met à brailler, là. ça vient les deux fois, c'est venu me toucher. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça super important qu'il ait mis ça dans le film. Tu sais, que ce gars-là qui pue avec cette femme-là depuis longtemps, genre, on imagine, tu sais, qu'ils sont séparés, mais il y a encore quelque chose. Puis juste avec ça, tu le sens, puis tu sens toute sa détresse, puis tout. Puis, ouais, c'est comme. C'est comme spécial. C'est comme un. Tu sais, ça parle aussi de divorce, puis tout ça, un peu, ouais. Ces deux parents-là, mais. C'est comme un divorce qui était, je sais pas, nécessaire ou, tu sais, comment dire, là, tu sais, que lui, quand ça, il revient, tu sais... C'est peut-être Cronenberg qui, tu dis, ben, il y a des moments, des fois, que je me sens de même aussi par rapport à ma séparation, peut-être, là, tu sais, qui aura toujours un petit quelque chose, tu sais. Ouais. Surtout s'il y a un enfant entre les deux, là, surtout s'il y a toujours un petit quelque chose, je sais pas. Mais c'est une étape très difficile pour un enfant, autant que pour les parents. La séparation, un divorce, c'est jamais facile, puis c'est un peu une des raisons pour laquelle que le personnage de Samantha essaie tellement de reconquérir Frank. Si on veut, elle n'a pas l'air de souhaiter tant que ça la séparation parce qu'elle pense avant tout à sa fille, puis elle y va selon ses expériences personnelles avec ses parents qui se sont séparés. Elle ne veut pas que ça l'arrive. Puis même chose pour qu'est-ce qu'elle a fait ressortir avec sa rage, c'est 100% relié à sa fille, là. On va en parler un peu plus, là. Mais non, je suis pas d'accord. Il y a quand même une phrase qu'elle dit à la fin qui scrappe tout ça. Ah ouais. Ça reparle dans la section spoilers. Moi, je l'avais pas remarqué la première fois, cette phrase-là, et la deuxième fois, j'ai comme fait « Wow, OK, fuck! » Et c'est pour ça que je te parle d'aucune rédemption et aucune belle chose dans cette femme-là. On s'en reparle tantôt dans la section spoilers. Je vais y aller avec vos recommandations. Ah, j'avais deux trois petits détails encore. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est vraiment superficiel, là, mais j'aime les... C'est parce que je suis né en 77, puis, tu sais, à ça, c'était en 79, mais tu sais, quand j'étais jeune, au début des années 80, il y avait encore un peu la mode, puis le style de maison, puis tout, de décor que tu retrouvais un peu, puis ça me rappelle ça un peu, puis j'aime les décors dans le film, j'aime les visuels des maisons. Visuels. Puis, tu sais, vu que c'est tourné au Canada, ben, toutes les marques de café, de céréales, peu importe, ben, c'est toutes des affaires qu'on avait au Canada. La boîte à lunch, la petite fille, j'en avais une bien pareille. C'est pas que le même dessin, mais la mienne était bleue, puis c'était Star Wars. Elle est rouge, puis c'est d'autres choses, le dessin, je sais pas c'est quoi. Mm-hmm. Mais en plastique, bien pareil, là, j'avais la même boîte à lunch. Les sauts d'hiver, ça fait très canadien. Là. Ah oui, vraiment. Très gâteux, là, c'est vraiment. C'est très vrai. C'est ça. Non, j'avoue que ça avait son charme, ça. Puis, quel autre point que je voulais... Ah oui, un détail vraiment niaiseux. Quand le gars, le premier patient, vient voir Artindle chez eux en lui disant blablabla, là, il explique, tu sais, qu'il y a une chaise en arrière ou quelque chose comme ça, en arrière du centre. Puis là, t'as Artindle qui prend son manteau puis qui s'en va et qui laisse le gars là. Ça fait, tu rencontres qu'une fois ce gars-là, tu le laisses dans le portique chez vous, s'en va à la porte, puis tu te sauves de même. En tout cas, c'est la première fois que tu l'as rencontré, il a dit « Je vais tout t'expliquer si tu me décides d'être mon père. » Puis tu fais comme « Garde, ce gars-là, il est pas sain. » Il laissait pas tout ça. Mais c'était pas chez eux, ça. C'était dans la chambre de l'autre patient qui est venu voir. Qui oui, non, mais après. Non, la ça, deuxième fois. Ouais. Mais la deuxième fois, quand chose, il vient dans son portique chez eux, il dit « Voilà, il vient, je sais plus trop ce qu'il dit, mais il parle justement de la cabane derrière le centre. » De psychoplasmique, là, puis là, t'as Artindle qui s'en va tout de suite pour aller retrouver parce qu'il comprend que sa femme doit être là, tu sais, ou sa fille, en tout cas, doit être là, puis le gars, il reste là dans le portique, dans la maison d'Artindle, je suis comme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu dormir sur le divan? Il va-tu se faire, tu sais, je sais pas. Il va plutôt un petit sandwich, détail, là, peanut butter jelly, mais... il se coupe de peanut butter. Il se coupe de peanut, papa peanut. Papa peanut. La suite, Papa Peanut. The Brood 2, Papa Peanut. Hey boy. Steven, avais-tu d'autres choses à rajouter? Oui, mais. Après Papa Peanut? C'est trop relié avec la fin, fait que je peux pas dire autre chose. D'accord. Fait que, ben, on va y aller avec vos recommandations. Moi, c'est un achat. Honnêtement, n'importe quel fan de David Cronenberg doit avoir The Brood dans sa collection. Faut être fier de notre réalisateur canadien, parce que pour moi, David Cronenberg, c'est le meilleur réalisateur canadien. Et c'est vraiment un autre chef-d'œuvre parmi tant d'autres dans sa filmographie. Cool, Jeff. Ben, si vous avez la chance d'avoir une bibliothèque municipale comme moi qui l'a en DVD, moi, j'avais la version Criterion. C'est ce que je recommanderais, un emprunt. Puis pour la deuxième écoute, ben je l'ai regardé sur YouTube. Il est tout là. Vilain! Ouais. Vilain! Mais une occasion pire, là. Moi, je vais y aller avec un achat. Le Criterion est très cher. Moi, j'avais réussi à pogner une version DVD qui est très, très, très, très clean, bien correcte. J'ai la même que toi. Pas très cher. Ouais, c'est ça, là, avec les... Mais on s'entend-tu que la version Criterion, le transfert du film doit vraiment être meilleur? Non, c'est sûr. Je suis curieux de la voir en Criterion. Sérieux. Ouais, sauf que... Est-ce que c'est vraiment le film qui mérite... Ben, pas qu'il mérite, mais qui gagne à être vu en Criterion? Je sais pas. Moi, j'aime le petit côté. Ouais, mais j'aime le petit côté vieillot là, de tout ça. Là, fait que ça me dérange pas qu'il soit moins beau. Ça fait partie de son charme, des fois. Ouais, mais le petit côté vieillot va rester là. C'est juste que tu vas encore mieux voir la photographie puis la qualité technique. C'est pas, regarde. J'ai vu deux Criterion dans toute ma vie. Fait que je ne suis pas encore. Fait que moi, je peux pas te dire. Les Criterion, c'est la vie. C'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal du film. Donc, oui, ça va être un achat, mais allez-y. J'ai trouvé ça à 10-15$ sur Amazon. C'est vraiment un film qui vaut la peine d'avoir dans sa collection. Donc, on va à la fin de l'épisode, vous allez retrouver notre section spoilers pour ce film. En attendant, on vous laisse en musique avec le groupe The Brood et la chanson Beat Girl. On se retrouve après pour The Changeling. À la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Eh bien, on poursuit mon épisode chimiste avec The Changeling de 1980, connu aussi sur le titre en français de L'Enfant du Diable. Quel titre de merde qui a aucun rapport, qu'on essaie juste de vaguer sur The Omen. Puis ouais, tout ça. C'est fantastique. C'est affreux. Ça met en vedette George C. Scott, Trish Van Devere et Melvin Douglas, puis c'est réalisé par Peter Medak. Et on va suivre George Russell, qui malheureusement a perdu dans un accident tragique sa femme et sa fille. Et une couple de mois plus tard, il tente de reprendre un peu une vie normale, entre guillemets. C'est un professeur de piano qui s'est retrouvé du boulot dans une école et il a décidé de se louer une assez grosse maison luxueuse historique qui a la réputation d'être assez gros. Il a loué Buckingham Palace. Là, tu sais, ouais, il a loué à lui seul. Ce fameux château qui a la réputation d'être hanté pour aller se changer les idées et pouvoir pratiquer comme il veut ses leçons de piano sans avoir d'autres personnes qui vont venir dire hey, t'as-tu fini, ça fait trop de bruit. L'agente immobilière était là. Ouais. Assisti, que j'ai fait un bon coup. Et il va s'en suivre des événements étranges à la maison. Il y a une entité qui tente de communiquer avec lui. Et c'est alors qu'il va faire la découverte de toutes sortes d'événements et lugubres également. Un peu comme The Brood. Des révélations assez lugubres. Oui. Eh bien, première fois, c'est drôle, hein? Le film de fantômes, c'est très ancré dans un style où c'est très codifié. On sait tout le temps un peu à quoi s'attendre. Puis surtout à cette époque-là. Ça s'en ressemblait quand même pas mal avec toutes les rip-offs qu'on a eu par la suite après Amityville. C'est ce genre de film-là, The Hunting. Des films qui ont eu de grosses influences. Puis The Changeling, je n'ai pas entendu parler tant que ça. Je l'ai vu dans des listes de films sous-évalués, fait que ça, je pouvais comprendre. Mais après avoir vu ça, j'ai comme fait « My God, ce film-là mérite d'être autant parlé que The Exorcist, que The Hunting, tous ces films-là, parce que ça l'a vraiment influencé le cinéma de maison hantée et encore plus les films de nos jours. Je trouve que c'est encore plus voyant. Je peux déjà en nommer que ça soit l'auteur qui a écrit l'histoire de Ringu, la version japonaise de Hideo Nakata. T'as de l'influence là-dedans, assez évident. Même chose pour Ome Balaguero avec son film Fragile de 2005. Il y a aussi pas mal d'éléments assez évidents par rapport à une chaise et tous les thèmes. En tout cas, on va revenir là-dessus en parlant du film. Et moi, c'est ça, j'ai adoré. C'est un film que je regrettais de ne pas avoir vu auparavant. Mon DVD traînait dans ma bibliothèque depuis des années, emballé comme plusieurs autres, fait que c'est à venir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le cinéma canadien. On l'a pas mentionné tantôt, mais c'est deux films canadiens. Et je trouve qu'ils ont un style visuel. C'est peut-être les décors, peut-être parce qu'on se sent plus chez nous, que c'est des styles qu'il n'y avait pas aux États-Unis. Mais je trouve que ça a vraiment un côté visuel assez unique et qui se ressemble, mais un côté très froid également dans le style. C'est jamais péteux ou jamais visuellement pétant. C'est vraiment très, très froid. Et celui-là, ce qui m'a beaucoup aimé, c'est que c'est un slow burn qui va jamais dans le feu d'artifice. Ça tente de jouer la carte du réalisme. Puis honnêtement, même si c'est un film qui traite d'entité, je pourrais quasiment croire que c'est une histoire vraie, tellement que je trouve que les personnages sonnent vrais. J'y croyais, les situations, j'y croyais. Et c'est un film qui mise beaucoup entre la mélancolie, le drame et des moments peu plus, je dirais pas terrifiant, mais qui donne la chair de poule. Le film essaie jamais forcément d'aller dans le tape à l'œil avec des jumpscares ou du visuel. Non, c'est tout le temps suggéré. Et j'ai rarement vu un film de fantôme de ces années-là utiliser la suggération aussi bien que lui. Le fantôme, tu le vois pratiquement jamais, mais il devient une personnalité dans le film. Tu le sens, le personnage de Jacob, cette entité-là. Joseph, ouais, je sais pas pourquoi j'avais Jacob en tête. Mais tu le sens, Joseph. Did you die in this house, Joseph? How did you die? Quelle bonne scène et qui m'a rappelé Insidious, mais ça, encore une fois, on va revenir. Mais je pense que si le film fonctionne autant, c'est non seulement à cause de la réalisation de Peter Medak qui était écœurante, là, je veux dire, t'as des travelling de fou que la caméra virevole dans les escaliers, dans les couloirs, puis c'est fluide, ça a le genre, ça essaie d'être la personnalité de l'entité, fait que tu y crois, ça marche. Mais George C. Scott, là, il tient aussi le film sur ses épaules. Ce gars-là, il a une manière de jouer. Puis ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est que c'est pas comme ça s'étale, puis on doute qu'il y a peut-être une entité où lui, il est terrifié, il tente pas d'aller vers ça. Non, non, ça fait comme 20 minutes, il se rend assez compte rapidement qu'il y a une entité de quoi de surnaturel. Puis lui, ben, il reste là, il a pas forcément la chienne, il tente de communiquer, puis de savoir c'est quoi qu'il veut, cette entité-là. Puis il y a une approche que j'ai pas vue forcément ailleurs. Je sais pas, la manière que le personnage avance dans l'intrigue avec tous les événements surnaturels. Je trouvais que ça faisait différent des autres films où c'est une famille, la mère elle commence à voir des choses, mais le mari ne la croit pas, fait qu'il la croit folle. Puis, tu sais, c'est tout le temps le même pattern, tandis qu'ici, c'est assez différent. Ouais. Et j'ai adoré le personnage de Twitch, la fille qui a vendu la maison. Tu sais, au début, je suis comme, ah, ça va devenir un personnage important, mais la relation qu'ils entretiennent, je l'aimais beaucoup, j'aimais leur dialogue. Les dialogues sont vraiment géniaux dans le film. J'adore énormément le fond, les réponses qu'on va nous donner qui donnent vraiment un côté encore lugubre, comme The Brood, ce film-là. Je trouve que les révélations sont vraiment macabres, qui m'ont donné la chair de poule en tant que telle. Et c'est un film vraiment efficace que j'ai vraiment trippé. Honnêtement, c'est un film à voir pour les amateurs de films de fantômes. Là. Je crois que celui-ci mérite d'être autant mentionné que tous les gros classiques qu'on avait dit. Cool. JF, je te garde à la fin parce que je vais y aller avec mon opinion qui est déjà connue. Moi, Changeling, je l'adore, je l'aime d'amour, ce film. Je m'endormirais avec lui le soir et je mettrais ma plus belle petite robe de nuit juste pour lui. Je pense que je l'ai déjà dit quelques fois, mais quand j'ai décidé de me remettre à l'horreur il y a, je sais pas moi, 8-9 ans, là, puis de me dire, OK, je veux recommencer à écouter du film d'horreur, Changeling est revenu souvent dans les suggestions. Et il a fait partie des premiers films que j'ai commandés. Puis, je suis pas sûr, mais d'après moi, c'est quasiment un des premiers que j'ai écouté. Et c'est lui qui a été l'hameçon qui m'a réaccroché à l'horreur, puis qui m'a comme ramené dans le bateau, ben comme faux, tu sais, là. Astiche de film que j'adore. Tu l'as dit, Steven, George C. Scott était cœur, hein. Autant qu'il joue un gars qui est très dur, tu sais, le petit qui est en confiance dans tout ce qu'il fait, tu sais, bon, quand il parle de tout ça, il est jamais en train de se dire le monde va me penser fou, c'est genre non, regarde, j'ai vu ça dans ma maison, c'est passé telle affaire, on en parle du monde, puis on va voir comment que on pourrait régler ça. Autant qu'il y a cette assurance là, autant que il y a quand même une scène où qui commence avec lui qui est dans son lit le matin et qui pleure sa vie, tu sais. Parce que tu fais comme il est en train de penser à sa femme et à sa fille, tu sais. Et j'ai trouvé ça cool qu'il y ait une genre de sensibilité. Puis je pense que c'est un peu ça qui va. Tu te demandais, tu disais, on voit rarement un personnage, tu sais, vouloir autant avancer dans l'enquête, tout ça. C'est clairement un peu l'histoire de sa femme et sa fille qui font en sorte qu'il veut aider ce fantôme-là. Parce qu'on comprend rapidement que le fantôme veut de l'aide. Scène de séance qui était cœurante, même l'after séance est solide. Une scène, et puis tu parlais de la suggestion, il y a des scènes que j'adore, je pense à juste la balle, tu sais, on y était tantôt, mais la scène de la balle est bonne. Scène de la balle, mais je pense beaucoup à je sais pas trop qu'est-ce qu'il est en train de se dire. La discussion est quand même assez banale. Le personnage de George puis la fille Trish parle, puis elle a fait comme sortir de la pièce, puis elle se tourne vers les escaliers et est figée de terreur. Et là, tout ce que t'as, c'est elle figée de terreur, puis lui qui s'en vient vers elle pour lui demander qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe. Mais jamais, il tournera jamais la caméra tant que lui est pas arrivé pour regarder, tu sais. Fait que t'es juste comme, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'il y a en haut des marches? C'était écœurant. Encore une fois, c'est une maison qui a une âme. J'adore ça quand les grandes maisons comme ça sont bien filmées. Bien utilisées. Sont bien utilisées. T'as pas l'impression qu'ils sont labyrinthiques. Tu comprends comment ils sont faites. C'est vraiment, tu sais, t'es capable à la fin du film de te fermer les yeux puis de te promener dans certaines pièces, tu sais, puis de faire comme, ok, telle place c'était ici, ok, si vous voulez me rendre à telle place c'était là. Ça, j'adore ça, tu sais, quand une maison est bien filmée comme ça. On l'a mentionné rapidement, mais là j'ai oublié son nom puis j'ai pas la page devant moi là, mais c'est lui qui joue le sénateur, Melvin Douglas. Je l'adore dans ce film-là. Il est pas là beaucoup, mais chaque fois qu'il est là, il a sa face, ce gars-là. Il était écœurant. C'est ça. J'ai adoré beaucoup son interprétation. Puis, j'en dis pas plus. Je laisse la passe à Jeff, on en parle après. Ok, moi, c'est un film que j'ai vu à quelques reprises dans ma vie, il y avait une grosse place dans mon cœur. Puis c'est drôle parce que ça m'a fait un peu l'effet contraire de The Brood. The Brood, je l'ai aimé un petit peu plus que la dernière fois. Puis là, Changeling, tout à coup, je l'aimais un petit peu moins. Parce que j'ai compris qu'est-ce qui me gosse. Il y a quelque chose qui me gossait. Puis c'est que j'arrivais jamais à me rappeler de la fin. Puis tout à l'heure, on va en parler de la fin. Ouais. Puis ça, je l'ai fait une petite section spoiler. J'arrivais pas à m'en rappeler de la fin. Puis tout ce que j'ai. Pourtant, je l'ai vu, tu sais, comme je dis, 2-3 fois, peut-être 4 fois, ce film-là dans ma vie. Puis tout ce que j'avais tout le temps comme image dans la tête, à chaque fois, je me rappelais jamais de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que. George C. Scott, il est arrivé quelque chose, il vit dans une maison tout seul, il est triste, il joue de la musique, puis il y a une chaise roulante qui tombe d'un escalier, puis il y a un puits, c'est ce que je me rappelle. Puis un fantôme, évidemment, tu sais. Ça voit tout ce que je me rappelle, tu sais. Mais je trouve que, tu sais, le film est très adroit, il est très bien réalisé. Tu sais, les films de James Wan sont très redevables à ce film-là, les Conjuring et tout ça. Parce que, comme tu dis, la maison est super bien utilisée, autant que James Wan utilise bien ses maisons dans ses films. Il fait peur, encore en 2017. T'sais, tu le regardes tout seul dans le noir avec des écouteurs, c'est ce que j'ai fait, puis je suis comme, OK, je suis stressé. Pis... La bande-son est vraiment efficace dans ce film-là. Oui. Ouais, ça mise beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, moi, je vivrais tout seul là-dedans. Ben, premièrement, je vivrais pas tout seul dans une grande maison de même. Puis, je découvrirais une pièce derrière des planches, un genre de grenier en haut. Je crois, non, je me recule, je m'en vais, salut, bye bye. Ouais, ça a été fermé pour une raison, je ne vais pas voir. Ah, je décide d'aller voir et je trouve une chaise roulante, une boîte à musique qui joue la même musique que j'ai composée il y a deux jours. Bye, tout le monde! Ça fait plaisir! Mais, puis c'est ça. Ce qui a changé aussi, mais on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, des fois, on peut avoir des problèmes avec un réalisateur ou un acteur ou une actrice pour quelque chose qui est fait dans la vraie vie, que ce soit avec Roman Polanski ou récemment, dans un épisode, Audrey parlait de Casey Affleck quand vous parliez de Ghost Story, puis de qu'est-ce qu'il avait fait dans la vraie vie, puis qu'elle voulait pas voir Casey Affleck dans des films. L'année passée, je lisais, en fait, j'ai lu deux biographies de cette femme-là, Ava Gardner, une actrice des années 40-50, une grande actrice, a sorti avec George C. Scott des années 60, puis il l'a battue, mais sur un moyen temps, là, point d'y décoller la rétine à Gardner à un moment donné. Là, des coups de poing, des gros coups de poing dans la face. Ce gars-là, là, c'est un trou de cul. Là. C'est ce que j'ai appris. Puis ça a été, j'ai lu deux biographies, puis ça a été corroboré par d'autres personnes. C'est un esti de trou de cul, ce gars-là. Aussi bon acteur qu'il puisse être, c'était un moron. Là, c'est vraiment un être méprisable. Là, fait que là, c'est la première fois que je regarde George C. Scott dans un film après avoir su ça, puis pourtant c'est un film que j'ai déjà vu plusieurs fois, puis il est super bon dans le film, j'y enlève pas ça, mais j'ai tout le temps de la misère à m'enlever ça de la tête, c'est comme asti qui me fait chier, il m'énerve, puis il y a vraiment une phase de batteur de femme à ça, je trouve. Ouais, là, mais écoute, c'est sûr que quand tu sais, mais c'est ça, sans rien vouloir, c'est ça, il est très très bon dans le film, il joue très bien son rôle, puis j'aime son côté vulnérable dans le film, comme tu dis, quand il braille à un moment donné, il a l'air d'un gros russe, là, tu sais, d'un gros tough tout le long du film, mais il y a cette petite scène d'ose qui braille, puis tu fais, ok, non, c'est encore un être humain, là, il y a quelque chose de... Puis c'est ça, moi, c'est surtout la fin qui me gosse encore, là, mais on en parlera tantôt, mais parce que je la trouve pas mémorable, je la trouve pas... À la fin, je suis comme, j'aime pas la résolution de l'histoire, j'aime pas ça. Ouais, on en parlera, mais je suis d'accord. Ah, la scène du rêve de la petite fille, de l'apparition de la petite fille, là, je trouve ça assez terrifiant. Terrifiante, c'est la scène qui m'a le plus marqué à la première écoute. Ça, puis c'est pas mal la seule grosse scène choc, ben, tu sais, la balle puis la chaise roulante, là, c'est pas mal les scènes. L'exorcisme, pas l'exorcisme, mais la séance. La séance est assez mémorable. Puis honnêtement, moi, tous les matins qui se réveille à la même heure avec le même bruit, ce bruit-là, moi, il me restait en tête. J'écoutais ça à minuit dans ma chambre à coucher, le son assez fort. Puis le bruit, quand tu sais après d'où c'est que ça vient, moi, ça me donnait vraiment la chair de poule, honnêtement. Non, il y a de quoi, ben. Puis je pense qu'il y a quoi de terrifiant là-dedans, et c'est aussi. Pas les effets nécessairement du film, mais l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire qui est horrible. Oui, puis dans les deux cas, dans The Brood puis dans celui-là, puis dans bien d'autres films, là, depuis que j'ai un enfant, ça change ma perception de bien des scénarios. Puis dans ces deux cas-là en particulier, ça a changé des choses. Je ne voyais pas les films de la même manière. Non, c'est ça. Là. Tu fais comme, oh mon Dieu, mais quel truc horrible. Puis si tu vois, on en parlera dans les spoilers. Tu te poses la même question que la femme. Tu dis, comment est-ce que ce personnage-là, voilà tant d'années, a pu faire ça, tu sais? Ouais. À cette personne-là qui faisait partie de sa famille, tu sais. Ouais. Comment il a pu faire ça, tu sais? C'est pas vraiment un spoiler. On découvre rapidement que le petit gars a été tué par son père. C'est un début de spoil, tu sais. Mm. Ouais. noyé dans son bain. C'est pour ça que je vais commettre splish-splash dans mon bain, mais ça n'a pas passé. Je suis pas pour cette scène-là. Non. Non, tu sais, ah non, cette scène-là, elle, en plus, la manière que c'est tourné, là. La scène, là, oh my god. Ouais, c'est comme un flashback du père qui noie son fils dans le bain. De vision que George Scott il a en réécoutant le tape ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme si le fantôme lui donnait des visions. C'est fou. Là. Ouais, c'est ça. Il y a une vision, il écrit toutes sortes d'affaires, puis après, il va enquêter sur ce qu'il avait écrit. Là. C'est comme il était comme hypnotisé un peu comme la médium. Là. Ouais, c'est ça. Comme si ce qu'il entendait dans le tape l'avait hypnotisé. Je suis d'accord avec la fin, même si on ira pas en détail tout de suite, je suis d'accord avec la fin que elle a pas l'impact que tout le reste du film a. Elle est très molle. Ouais, tu sais, je veux dire, elle fait du sens peut-être dans le contexte du film, mais je trouve qu'elle est simpliste à l'image de tout le film. C'est un film très simpliste. C'est ça. Ça l'essaie pas de finir sur un gros... Tu sais, t'écoutes les Conjuring, ça finit sur un putain de gros showdown où que t'as des oiseaux qui attaquent en même temps, puis c'est vraiment la folie furieuse, tandis que là, c'est vraiment quelque chose de très, très simple, puis j'imagine que ça peut-être décevoir quand tu t'attends à quelque chose de plus punchy quand on est habitué à ce genre de là, mais on dirait que j'étais tellement embarqué dans cette ambiance-là unique que moi, je l'ai trouvé super bien mené. La finale, je la trouvais vraiment bonne, mais... Elle est juste pas mémorable. Ça lance là... Je pense que ce qui me gosse, c'est juste la raison pour laquelle le fantôme veut sa vengeance ou je sais pas trop quoi. Tu sais, c'est comme... Ah, OK, je comprends, mais en même temps, ça me... Je sais pas, je trouve ça poche un peu. Ah ouais? Ouais. OK. Mais non, mais non, je comprends, mais je sais pas. J'étais comme détaché émotionnellement de ce que le fantôme vivait, là, tu sais, ce qu'il ressentait. Là, j'étais comme... T'as aucune empathie pour les fantômes, Jeff? Ouais, ça a l'air assez... Est-ce que tu as déjà eu des choses avec des fantômes Swayze qui t'ont fait du mal? Non, puis j'aime que Patrick Swayze dans Ghost. T'as de la misère à t'attacher aux fantômes? Patrick Swayze dans Ghost, c'est mon fantôme préféré. C'est mon fantôme d'amour. je sais pas si en France, pour nos auditeurs français, Ghost avec Patrick Swayze est traduit avec le titre Mon fantôme d'amour, mais en tout cas, c'est ça qu'on a au Québec et c'est de toute beauté. Et c'est pas trop chialeux, c'est un très très très bon film. C'est juste, c'est ça, la finale vient me gosser un peu, mais c'est la logique de tout ça, là, t'sais, que... On en reparlera tantôt, mais c'est pas grand-chose. C'est juste... Je la regardais, j'étais comme... Ah ouais, c'était ça la fin. OK, dans un an, je me rappellerai plus. Là, ben, je pense que c'est ça aussi. Moi aussi, je l'avais complètement oublié. Puis tout ce qui marque dans le film, il y a rien dans la fin qui marque. Tu sais? C'est ça qui arrive. Il n'y aura rien dans la fin qui va faire comme... Aïe, à la fin, en plus, il se passait ça. Non, en fin, tu fais comme... OK. C'est fini. Non, les images qui marquent, c'est vraiment lui qui joue au piano, qui entend des sons, puis tout, puis il y a de la balle, puis la chaise roulante, puis de même. Là, c'est ce qui marque, là, le puits, puis tout ça. Là. Ouais. Les sinon, images qui reviennent de ce film-là. T'sais. Sinon, je trouve que ce film-là, un peu comme tous ces autres films-là de l'époque, a son rythme. On s'entend, si on écoute The Omen, puis. Je sais pas si on est dans les mêmes années, Rosemary's Babies, des trucs comme ça, tu sais, ça a tout son rythme un peu. C'est pas mal éloigné. Ouais, Rosemary, c'est genre 12-13 ans avant. Là. Ouais, ok, mais en tout cas. Ce film-là ne semble pas long. J'ai pas... Même après plusieurs écoutes, je suis pas en train de faire comme... Oh ouais, non, là, ce bout-là, c'est long, puis ça aboutit pas. Ça avance quand même pas mal, je trouve. Genre deux ou trois petits bouts que je me suis fait la réflexion. Puis c'est drôle parce que c'est la première fois que je me faisais la réflexion. T'sais. C'est encore là des détails, mais au tout début, dans le générique, t'as une passe où ce qui fait juste traverser la rue, il y a deux chars qui passent, il attend, il traverse la rue. Puis ça prend un bon bout de temps avant que ça coupe, il faut que ce soit rendu bien loin. Je suis comme, pourquoi ça coupe pas tout de suite? Puis plus tard, quand il rentre dans une maison, il pète une vitre, tout ça, je suis comme, c'est donc bien long ouvrir la porte, puis tout ça, là, c'était le petit plan-là qui je trouvais trop long. Okay. What the fuck? Yes. Jeff de Nitpicky qui est comme... Oui, vraiment, ok, oui. Donnez-moi Final Cut Pro, puis je vais enlever 35 secondes de ce film-là. C'est pas comme ça qu'on monte un film, okay, c'est ça. Je vais changer à la fin, je vais faire des dessins dans le paint, puis là. Ben, écoute, un slow burn reste un slow burn. Je crois que de nos jours, on a des films de fantômes qui misent autant sur l'atmosphère et un rythme aussi lent. Il suffit de penser à The Innkeeper. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on trouve pas ça long? C'est parce que c'est des personnages bien écrits, une histoire qui nous intéresse, une bonne mise en scène. C'est tout ce qui englobe le film. Puis je portais la réflexion pendant que j'écoutais le film avec ma blonde. Je me disais, tu sais, ces films-là prenaient le temps de faire des scènes le fun. Ben, pas le fun, genre, hey, hey! Mais tu sais, des scènes... Relax, puis cool, parce que... ça fait au moins 35 secondes qu'on n'a pas vu le clown. Peux-tu bien plugger le clown? Le monde sont en train de s'emmerder. Non, tu sais, juste quand il compose sa toune, tu sais. Puis tu sais, c'est juste lui, puis il compose sa musique, puis il écoute sa musique. Puis tu sais, oui, ça se finit avec un petit quelque chose à la fin, là, mais rien de... Oh my God, le payoff de cette scène, c'est juste... Il joue de la musique. Écoutez la musique, elle est belle la musique. T'sais, aujourd'hui, on écouterait un film qui est tourné en 2017, puis il y aurait une scène dans le film qui serait le même, puis on ferait comme « Oh, wow! Le réalisateur a vraiment pris le temps de prendre son temps. » Tandis qu'à l'époque, c'était juste normal. Les films étaient faits comme ça. T'sais. Puis j'écoutais... Comme The Conjuring 2 puis la guitare. Ouais, c'est drôle. En fait, je pensais exactement à cette scène-là, j'allais le dire. Ouais, Chris, hein? James Wan, là. Hein, Changeling. Mais c'est vrai, tu vois à quel point on parle de la scène de la guitare dans Conjuring 2 parce qu'on n'est plus habitué à ça, tu sais. Tandis qu'à l'époque, c'était juste normal. Alors, faut toujours que ça bouge dans les films, faut toujours que ça explose partout. Puis si la scène a pas l'air d'avancer, tu sais, ou en tout cas elle a un rythme plus lent, t'as quand même une tension parce que tu sais qu'à la fin, il va y avoir un payoff incroyable, tu sais. Ça dépend aussi des intentions, parce que tu sais, tu regardes Conjuring 2, c'est parce que c'est un film très très classique, oh, oui. Fait qu'il n'y a pas le choix d'y aller avec un rythme plus effréné pour pas que les gens fassent « oui, on connaît la route, là, c'est comme en Braid », tu n'as pas le temps de t'emmerder avec Conjuring 2, c'est ça qui arrive aussi en même temps. Puis j'ai aimé... excuse, on finit de la pensée. C'est bon. Je m'en allais sur d'autres choses, mais j'ai aimé que souvent dans des films, je vais sonner comme un vieux chialu, mais des films récents, quand tu as du feu dans le film, c'est souvent du CGI à cette heure. Ils prennent même plus la peine de faire brûler quoi que ce soit. Puis là, j'étais là, à la fin, j'étais comme Peter Medak, t'as des couilles, t'as fait brûler ça. C'est génial. Oui, puis j'étais en plus, t'as même un moment donné, t'as Marilyn Douglas qui monte les marches, là, puis le feu est à côté de lui. Là, j'étais comme, quelle vase, c'est lui. Excuse-moi. Il y avait une chance de faire brûler tout ça. Là. Mais Christopher Nolan a fait péter un hôpital dans Dark Knight. Oui, là. Fait que lâche-moi ton sidieux. Non, je te gagne. Ça fait 12 ans. Mais non, mais j'avoue que ça fait quand même une séquence de feu. Il y a beaucoup de films d'action qu'on voit à cette heure avec du feu. Prends juste, mettons, Phantom of the Theater, là, le film coréen, je sais pas trop quoi. Il y a aucune flamme de vrai dans ce film-là, puis il y a du feu tout le temps, de fait la même, puis il n'y a aucune flamme de vrai dans ce film-là. Un film en 3D, c'est carré. Ouais, mais j'étais comme, what the fuck, ça prend quoi d'allumer d'allumettes, mettre quelque chose en feu? Mais en même temps, faut pas, je crois juste... j'ai l'air du gars qui va juste tout le temps te contredire, mais je crois juste qu'il faut pas tout englober. Je veux dire, j'ai vu autant de productions qui utilisaient des vrais effets et du vrai feu. C'est sûr que si tu vas dans un gros blockbuster, globalement, ils vont utiliser du CGI. C'est plus facile, puis ils ont le budget pour. Parce que tu peux reprendre aussi si ton feu... Oh shit, notre truc a brûlé, puis c'était pas ça qu'on avait prévu faire. On peut plus le refaire. Oh ben... Mais là, j'ai aimé ça, tu sais, voir le garde de l'escalier, le feu qui descend, puis tout. Pis... Ouais, c'est vraiment nice. Puis je me demandais, justement, à la fin, s'il avait vraiment fait brûler le château pour de vrai à la fin. J'étais vraiment curieux. J'ai pas lu là-dessus, mais ça avait l'air de ça, en tout cas, à la fin du film. Ouais. Ça... Le dernier plan, là, avec la caméra qui monte dans les airs, tu sais, c'est comme, ça a pas l'air truqué zéro, là. Non. Je pense que c'était... Est-ce que l'extérieur fit avec l'intérieur? Genre, est-ce que l'intérieur, dans le film... Est-ce que c'est en studio? Ouais. Ça se peut. Parce que je me dis, la maison est vraiment trop belle pour avoir été condamnée puis dire on la brûle à la fin du tournage. Je trouve en tout cas l'intérieur. Est-ce que l'extérieur, c'est une autre maison qui avait été condamnée puis dire OK, on peut la brûler, ça? Ça serait logique là, parce qu'on s'entend, est encore. Ça me semble que le bois est tout beau dans la maison, puis tout. Mais à moins qu'il y avait des termites ou quelque chose de genre, je sais pas. Là, c'était quatre pièces qui étaient clean. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne voit pas les pièces en haut. Non, c'est ça. C'est tout condamné. Sinon, on va passer en section spoilers. Oui. Ouais. Je vais vous demander. La maison brûle. La maison brûle, oh non! Ben avant, je vais vous demander vos recommandations, les gars. JF? Ah, allez-y pour un achat. Oui, ça vaut la peine. C'est un classique. Ça vaut la peine. Cool, Steven. Ben, je l'ai déjà fait. Fait que, un achat, évidemment. Cool. Ben, moi aussi, ça va être un achat. Le DVD est à un prix dérisoire. Donc vous allez trouver HBO. En hein? DVD et HBO, tous leurs DVD sont tellement pas chers, fait que ça vaut la peine. C'est comme 5$. Oh, tu vas trouver à 5$ used ou 10$ neuf, mais c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de Criterion ou de super Blu-ray top shape. Là. Non, puis j'en veux un. Tu vois, tantôt dans Blue, je me disais, bof, non, pas nécessaire. Lui, oui, j'aimerais beaucoup, parce que ça reste qu'il est beaucoup plus beau visuellement que The Brood. C'est ça, l'achat, donc... si vous voulez l'acheter, le lien est dans l'article sur notre site. Ça va nous faire plaisir de recevoir 25 cents de redevance sur un beau 5 piastres. Ben, sur ça, on va se laisser en musique avant la conclusion. Jeff, tu nous avais trouvé, c'était sur un album de The Doors. Ah oui, oui, The Doors. C'est l'album Ellie Woman, c'est la chanson The Changeling. Et on se retrouve tout de suite après pour la conclusion de l'épisode. Alors, on est de retour pour la conclusion de cet épisode, ma foi, de fou. D'habitude, on le mentionne plus tard, mais là, il faut que je le mentionne. Là. Ce soir, on avait une Patreon en ligne avec nous autres. C'était Véronique des Douces Folies de Nikki qui a droit à son shout-out. Donc, Véronique, shout-out. Mais c'était la seule qui a pu écouter cet épisode dans son entièreté. Et ma foi, les conneries qui se sont dites entre chacun des segments, vous pouvez juste même pas vous imaginer. Alors, ça vaut la peine des fois d'être Patreon, d'être un patron juste pour ça. Je pense qu'il y avait comme deux épisodes à soi. Il y en avait un. Je pense qu'il fallait qu'on reprenne notre souffle plusieurs fois, justement, oui. Qu'on fasse cette conclusion. Oui, mettons que ça a pris du temps avec qu'elle se fasse. C'est quelque chose. Fait que, écoutez, allez voir notre page patreon.com/horreurgamer. Tout est là pour nous aider à améliorer le show. Avoir accès aux enregistrements live, c'est combien, genre, par mois? C'est pour les enregistrements live, c'est 3$ par mois. Bon, donc c'est presque rien. C'est 1,50$ par épisode. Donc, pour les écouter live, donc les avoir le dimanche soir en direct pendant qu'on enregistre, et dans leur entièreté, avec des fois, je dirais que ça frôle le 3h30 d'épisode. Sinon, ben évidemment, pour moins, on fait juste être bien content. Le moindre petit don. Mais 1,50 par épisode, c'est le prix d'un café, genre, si tu m'entends, une chose comme ça. Mais tu sais, puis en plus, vous n'êtes pas obligé d'écouter ça live. Là, je pense qu'ils sont disponibles pour les Patreon. L'historique est là. Ça veut dire que même si vous vous dites, ben là, il est trop tard, l'épisode est passé, là, je pourrais pas écouter. Moi, j'ai pas le temps dimanche soir, fait que ça me donne rien de payer pour ça. Non, c'est ça, les épisodes sont disponibles sur Facebook. C'est des Facebook Live, dans le fond, qu'on fait. Donc, on a un petit groupe secret à laquelle vous devenez membre quand vous devenez un patron. On vous ajoute à ce groupe-là. Et toute l'historique des épisodes qui ont été faits en Facebook Live est là. Donc, vous ne manquerez rien de tout ça. Vous allez pouvoir vous délecter et vous rattraper longtemps. Sur ça, on a aussi Marc-André. Nous autres, on se met à guiche. Hein? Nous autres, on se met à guiche. Yes. Tellement. Nous autres, on se pique. J'étais comme tabarnak, il se pique. De la coke. Pas de la coke, de l'héroïne. Ben, ça aussi. Là. Ouais. Ben, la coke, c'est si on sera à 50$ par mois. Mais l'héroïne, c'est à 75$. Ok. Écoute, qu'est-ce que tu veux, le prix de l'héroïne? Non, mais on a Marc-André Lavigne qui a le droit aussi à son shout-out, tout comme Véronique. Donc, shout-out à toi aussi, Marc-André. Et juste de même, d'habitude, je le fais pas, là, mais regarde, Véronique vient de nous écrire sur le chat de Facebook Live qui nous dit « Vous êtes mon meilleur investissement à vie. » Puis elle a mis 3 bonhommes avec des lunettes de soleil. C'est pas rien. Fait que, fiez-vous sur Véronique, on est un investissement qui vaut la peine. Sur ça, les gars, vos recommandations sur cet épisode. Alors, d'habitude, c'est comme en thématique avec les films. Moi et Jeff, on est allé avec des films canadiens. Steven, t'as l'air d'être allé ailleurs. Pas forcément. Hein. Mon film est finalement est canadien aussi. Ah, good. Mais moi, j'ai été avec Antiviral. Le fils de David Cronenberg qui a réalisé ça en 2012. Et ça fait très David Cronenberg. Son fils n'a pas tenté de se démarquer. Il est allé dans la même cour et il s'est pas gêné. Fait que moi, ça me dérange pas. J'adore le cinéma de David Cronenberg. Puis ça raconte l'histoire de Sid March, qui est un employé dans une espèce de clinique spécialisée où ils vendent et injecte des virus qui ont déjà contaminé des vedettes. Fait que tu peux te retrouver avec le rhume de, je sais pas moi, Miley Cyrus. Puis là, tu dis, ouais, j'ai le même rhume que Miley Cyrus a eu. Fait que les gens payent pour avoir ça. Sauf lui, il fait un peu de la contrebande. Syphilis de Tom Cruise, c'est malade. Sauf lui, il va s'en servir pour voler des virus en s'injectant lui-même ça pour pouvoir les sortir de la place puis pouvoir les revendre à d'autres compagnies. C'est du marché noir, du marché noir qui vont payer le plein prix. Évidemment, à un moment donné, ça va se savoir et c'est juste lui qui va posséder une couple de virus dans mes souvenirs qui sont plus trouvables ou je suis plus trop certain. Je sais que les autres compagnies vont se mettre à courir après lui pour les avoir. Et c'est un film qui est tombé dans l'oubli. plus personne en parle, je le vois pratiquement sur aucune liste, puis vous devez voir ça, c'est un film qui est à la hauteur du père, le fils a vraiment tout son talent, que ce soit dans la technique, dans la façon de développer ses thèmes, par moments c'est sûr que tu penses à du Vidéodrome puis d'autres films, mais il y a une touch pareille à lui de manière de développer ça, puis l'idée en tant que telle du film, moi je la trouve malade, là, c'est écœurant, c'est du peu Cronenberg, puis l'acteur qui joue dedans... Caleb Landry Jones, qui joue dans Get Out, qui joue le frère fucké de la blonde du gars. Il est malade là-dedans. Je l'avais moins remarqué à l'époque, mais maintenant qu'on le voit plus souvent, je le trouve vraiment bon, cet acteur-là. Puis je me rappelle que sa performance m'avait marqué là-dedans. Fait que je vous le conseille fortement. C'est un film qui te fait sentir crotté, sale, urk. Écoutez pas ce film-là quand vous avez un rhume ou quoi de même. Non, mais en même temps, ça te montre... bien. Ça te montre à quel point que les fans, les groupies, parfois c'est fucked up. Tu sais, t'entends des histoires fuckées là, qu'un fan de X vedette est rentré par infraction pour aller voler des sous-vêtements. Mais tu sais, il y en a, je suis sûr, qui paieraient pour se faire injecter un virus qu'une de leurs vedettes favorites a eu. Oui. Je suis certain que ça se pourrait. Ça m'étonnerait même pas qu'on voyait ça dans un futur. C'est affreux, là. Ouais. Je vais y aller avec moi. Moi, je suis vraiment y aller très canadien et quelque chose de je me cache pas, là, c'est quelque chose de connu, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui le sous-estime puis qui font comme « Ah oui, non, non. » Puis je pense que c'est bon de le répéter. Écoutez Ginger Snap, s'il vous plaît. c'est du canadien en or. C'est du canadien qu'il faut absolument voir. J'aurais pu y aller avec Black Christmas, là, mais... Ouais, encore facile, aujourd'hui, des fois, je parle de Ginger Snaps, puis il y a du monde qui font comme « Non, non, ça m'inspire pas. » Chris, arrêtez de penser que c'est un film d'ado, là. On est loin de ça, là. C'est solide. C'est solide. Ben, c'est un teen movie, mais c'est un bon teen movie en tant que tel. Mais c'est ça, mais je veux dire, ça se contente pas d'être un teen movie. Là. Non. Ça va au-delà. Je voulais juste le mentionner parce qu'il faut taper sur le clou. Non, t'as bien fait, honnêtement. Je trouve que ça fait partie des films de loup-garou dans mes favoris, même si la liste est pas longue, forcément, dans les tops. Mais c'est facilement dans mon top 3. Peut-être 5 si je repense à ma liste, mais d'après moi, c'est dans le top 3. Il y a, dans le fond, deux sœurs. Une, la plus vieille, se fait attaquer par un loup-garou et commence à se transformer. Mais... Ils vont se demander si c'est pas plutôt de la le début des règles et la toute l'adolescence. Le changement de devenir ça. Une femme. Le film, c'est une grosse métaphore, puis il sert du virus du loup-garou pour ça. Et à l'époque, c'était du jamais vu, fait que c'était vraiment c'était brillant comme film. Puis oui, aujourd'hui, tu vois beaucoup de films d'horreur qui traitent de ça, d'une jeune fille qui passe à l'âge adulte avec un virus, que ce soit vampire, cannibale, on a eu grave cette année qui traite un peu de ça, mais de toutes sortes de sujets en même temps. Là, puis... Mais Ginger Snaps, ça a été quand même un des premiers dans mon souvenir qui avait fait ça à l'époque. Mm-hmm. Puis qui traitait de choses féminines comme ça, là, je veux dire, de sujets féminins. C'est pas encore très très vu. Je pense à Starry Eyes, là, qui est un peu aussi ce genre de. Mm-hmm. Pas dans le même style de traite de la puberté, mais qui parle de femmes qui se transforment et tout ça. En tout cas, c'est ça. Je le recommande toujours très fortement. JF? Moi, je vais y aller avec un film que j'ai juste vu une fois, mais qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Pontypool de Bruce MacDonald. Je vais voir ça, c'est ma shame list. Puis, Pontypool, c'est une ville de l'Ontario qui est genre à une heure de chez nous, ce que je reste en ce moment. Puis, je suis jamais allé encore. Mais à chaque fois qu'on passe devant le panneau, je suis comme, oh yeah, Pontypool, je vais aller voir ça. Mais en même temps, ça me fait peur un peu. C'est l'histoire d'un genre de film de zombie, mais c'est pas tout à fait un film de zombie parce que l'infection se passe par la langue anglaise, par le langage, le vocabulaire. Puis, c'est vraiment original. J'ai jamais vu ça, une affaire de même. Puis, l'auteur du livre, je l'ai écouté en entrevue il n'y a pas longtemps quand George Romero est mort, puis il est passé à la CBC, puis il dit « Moi, quand j'ai vu Night of the Living Dead, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les bulletins de nouvelles qu'on voyait à TV puis à la radio, puis il dit « Moi, je voulais faire un film d'horreur qui se passe tout dans la station de radio comme ça, puis t'as pas vraiment ce qui se passe dans le monde extérieur. » Pas un film, en tout cas, une histoire comme ça. parce que lui, c'est l'auteur du roman. Puis le film se passe vraiment tout presque dans sa... Il y a quelques scènes extérieures, mais c'est un huis clos dans la station de radio qui rapporte les nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Puis t'as Stephen McCarthy, l'acteur principal, qui est là, qui est animateur, mais qui est complètement fou dans son rôle. Là. Ce gars-là, quand je le voyais dans les années 90, 2000, je le voyais un petit peu plus, un peu comme le... un genre de sous Lance Henriksen, mais ça n'a pas rapport, il n'y a rien de sous. Là. Il est vraiment hot, cet acteur-là. Il est, dans tout ce qu'il fait, il est vraiment, vraiment hot. Puis, ah ouais, lui. Après avoir d'ailleurs, vu... D'ailleurs, il a joué dans History of Violence de Cronenberg. Ah ben, ouais, c'est vrai. Il s'est entouré de... Il s'est joué dans les bons films canadiens. Mais après avoir vu le film, j'ai essayé de lire le livre. Ben, je l'ai lu, le livre, mais j'ai... C'est l'expérience de lecture la plus surréaliste que j'ai eue de ma vie. J'ai absolument rien compris au livre. C'est à la fois poétique, surréel, c'est fucké, là. Puis c'est pas... Puis jamais, je vais dire que le livre est pas bon. C'est le genre de cas où je me frustre après moi-même quand je comprends pas quelque chose parce que je me dis, Christ, que je suis pas assez intelligent pour comprendre. Il y a quelque chose là-dedans que... Qui me dépasse, puis ça me frustre parce que je suis pas assez intelligent pour le comprendre, puis il va falloir que je le relise un jour pour essayer de comprendre, mais je suis juste... Ce livre-là, c'est une œuvre d'art, mais que je comprends pas en tout, je pourrais pas te déchiffrer, puis ça ressemble pas beaucoup au film. Le film est vraiment, tu sais, straightforward, là, la situation est claire, tout est précis, puis c'est super le fun à suivre. Puis le livre, là, c'est quelque chose d'autre, c'est abstrait en tabarouette. Mais non, sérieusement, le film, je le recommande. Je ne l'ai jamais revu depuis sa sortie, mais c'est resté ancré en... c'est ça, ancré en moi, puis j'ai vraiment l'intention de le revoir éventuellement. Quand j'ai pensé à des films canadiens, c'est le premier qui me venait à l'esprit, là, des films d'horreur, puis je suis comme... Ouais, lui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu vois, quand je suis tombé sur la liste des films d'horreur canadiens pour faire... OK, je vais chercher mon petit film à mettre dans la liste. Pour me chercher des suggestions, j'ai vu Pontypool, j'ai fait comme, c'est que ça fait longtemps qu'il faut que je voie ce film-là, calvaire. En effet. Tu viens de me le remonter sa liste. on parlait de suggestions avec The Changeling, mais ça, Pontypool, c'est 100%. Il ne faut pas t'attendre à voir vraiment du gore ou des zombies, quoique tu finis par en avoir des zombies. Oh, oui, oui. Mais c'est vraiment, tout se passe dans les dialogues, mais... C'est tellement intéressant, puis il intègre des petits twists par rapport à comment ça s'infecte. Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est une langue? Est-ce que c'est des lettres en particulier? Il y a vraiment toutes sortes de trucs à amener qui sont vraiment hot. Là. C'est vraiment génial, ce film-là. Ah, c'est original. Je sais que c'était supposé être une trilogie, je crois que le réalisateur voulait faire ou au minimum deux films, là, mais je crois que ça a juste pas fonctionné malheureusement, mais c'est le genre de film qu'il faut déterrer, ça. Le cinéma canadien qui est hot, là, j'en entends des fois, c'est comme « Ouais, mais moi, le cinéma canadien... » Non, fuck that! Déjà, à partir de David Cronenberg, il torche pas mal, pas mal de choses, mais je veux dire, on a des bijoux dans le cinéma canadien. Là. Déterrer ça, là. Cool. tout à fait d'accord. Les gars, on passe à un autre sujet vraiment important. Oh non! Gros autres projets. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jeff? Jeff, qu'est-ce qui se passe? Avec la Broadfair. Ben, moi, il se passe rien. Broadfair, oui. Ben, ça fait genre 3 mois qu'il n'y a pas eu d'épisode, je pense, depuis le dernier épisode avec Sylvain et Steven. Inquiétez-vous pas, ça va revenir. Moi, là, on a vraiment. Tout à l'heure, on a parlé, moi et Steven, avant qu'on enregistre, puis même avant que tu sois là, Seb. Puis, si tout va comme prévu. Oui, exactement. Entre autres. Mais si tout va comme prévu, puis ça devrait y aller comme prévu, dimanche soir prochain, on fait un time-out live. Tu me regardes bizarre, Steven? Non, comme à la bonne époque. Ouais, puis on fait un live, oui. Time Out, comme on faisait, c'est nos épisodes où on parlait d'un peu n'importe quoi. Je pense que pour recasser un peu la glace puis renouer avec nos auditeurs, je pense que ça serait une bonne chose de faire un petit Time Out. Puis après ça, on continuera à m'emmener avec un épisode régulier, mais on va y aller avec un horaire plus irrégulier parce que à cause de nos horaires puis tout ça, là, aux différentes occupations, mais... c'est vraiment pas mort. Là, on recommence, là, on va repartir la machine tranquillement. Là. Puis Jeff, il prend quand même un time-out parce qu'il veut vous parler de Dark Tower. Parce qu'il faut bien qu'il serve son 10$. J'aurais pas de dire ça, là, peut-être qu'il a aimé le maudit film. Là, mais moi, je l'ai dit, il faut qu'il serve son 10$. Fait qu'il va en parler. je te l'ai menti, ça n'a même pas coûté 10$. Ah, pour vrai? 5$? À peu près, non, 6, 7, je pense. Mais je me suis acheté des M&M, fait que ça a coûté plus cher. Ça a coûté 10$, finalement. Ouais, ça... Mon Dieu. 4,5 d'M&M. Ah, mais attends, je lis le billet ici, là. Je suis en train de lire un livre, puis c'est mon signet. 2 secondes, je t'ai dit ça. 9,50. Ah, oh, mais gars, 7,52 puis sans taxe. 9,50. Ça te fait un bon signet. Oui. Un beau signet à 10 piastres. Toi, Steven, séance de minuit. Ben, la semaine passée, on a sorti un épisode sur Atomic Blonde. Ça ne touche pas à l'horreur, évidemment, mais je vous suggère, je crois que c'est un épisode intéressant où on parle des décennies, qu'est-ce qui nous rend nostalgique et est-ce qu'on est nostalgique des années 80. On parle du film qui vaut la peine d'être vu et parlé aussi. Puis un petit top 3 de nos films espionnage favoris. Et cette semaine, on enregistre un épisode sur Annabelle 2. Les gars attendent juste après moi, vu que j'ai eu de la misère à aller le voir au cinéma, mais ça devrait sortir au courant de la fin de semaine prochaine. Cool. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Je ne crois pas. Puis moi, j'aime vos tops et vos discussions dans la séance de minuit parce que je suis tout le temps en train d'en rajouter des affaires après ça. C'est vraiment intéressant quand tu viens écrire. On est bien content. Ben écoutez, sur ça, je pense qu'on termine cet épisode. Je n'ai rien oublié cette fois-ci. Ben, le prochain épisode, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Parce que c'est les choix de Vicky. C'est ça qu'on s'était dit. Sur l'horaire, c'est les choix de Vicky, mais on ne sait pas si Vicky va être là. D'ailleurs, n'oubliez pas, on vous l'a dit au début de l'épisode, la capsule a un an, donc allez fêter ça avec elle le 25 août à Sherbrooke sur la Wells Sud. On sait que c'est ça la rue, c'est tout ce qu'on sait. Mais sa page Facebook va vous en dire plus. Parce que bon, je pense qu'elle mérite que le plus de love possible pour ce projet qui était comme impossible à réaliser, puis ça fait déjà un an, c'est tout qu'elle bûche en fou. Ah, puis elle a bûché pendant des années avant ça, elle a porté ça à bout de bras, elle, puis une couple d'autres collaborateurs, mais c'est vraiment à travailler comme une déchaînée là-dessus. Là. Eh oui, puis elle continue encore, c'est le pire. Puis tu sais, un concept quand même relativement unique et tout ça, tu sais, de faire durer ça au moins un an, c'est vraiment un gros accomplissement, tu sais. Vraiment. Puis ça a l'air de pogner, là. Ben, je pense que oui. Mais en tout cas, à moins qu'elle nous mente, puis qu'elle invente des choses, mais je pense que ça pogne. Mm. Sur ça, les gars, on va dire un beau bye-bye. Steven, beau bye-bye. Beau bye-bye, Sébastien. JF, beau bye-bye. Beau bye-bye. Pourquoi tu parles de rien? Parce que c'est un beau bye-bye. Tout le monde qui nous a écouté, un beau bye-bye. Puis n'oubliez pas de garder ça horreur. On est là dans la section spoilers du film The Brood. Donc, ouais, finalement, ben, le spoiler, c'est surtout concernant ce qui se passe avec la femme de Jack quand on réalise que, bon, les créatures, non seulement c'est elle qui les contrôle avec sa rage, mais elle en accouche. Alors que les autres rapidement. Avaient des petites pustules. Ouais, rapidement. Alors que les autres avaient des petites pustules, un cancer de la gorge, elle a carrément donne naissance à une bobite qui est connectée à sa rage. Ce qui est fou. Ce qui est complètement... C'est du Cronenberg... À 100%. À 100%. Écoute, mais c'est surtout cette scène-là de dévoilement où... ben, moi, j'aime bien cette scène-là, comment elle est faite, alors que le docteur va essayer de sauver la petite fille qui est au grenier, qui est... Il y a quoi? Il y a une douzaine de ces petites créatures-là qui sont calmes parce que la femme est calme, fait qu'il est capable d'aller la chercher la petite fille, puis c'est genre il dit au chum, parle-y pendant que moi je vais aller chercher ta fille, alors qu'on sait très bien que ça aurait dû être le contraire, ça aurait dû être le docteur, parce que le docteur c'est lui qui est capable de la calmer. Donc c'est genre, va parler à ta femme, fais comme si t'étais le mari repentant qui veut revenir avec et tout. Puis bon, au fur et à mesure qu'il parle avec, il se rend bien compte que de tout ce qu'elle est capable de faire. Puis là, oh mon Dieu, je te dégoûte. Puis il est comme pas capable de cacher qu'il veut, qu'il fake. Fait que la rage pogne, les bébites décident d'attaquer le docteur, essaie de s'en prendre à sa fille, mais il tue sa femme juste avant que les bébites réussissent à tuer sa fille. Donc tout le monde meurt sauf lui et sa fille. Ouais. Je parlais tantôt d'une phrase qu'elle dit. Qui, tu sais, que tu disais, elle fait tout ça en lien avec sa fille, tout ça. Mais à la fin, quand elle se rend compte que son chum est en train de la manipuler, pour venir sauver sa fille. Elle fait comme, t'es venu me voler ma fille, tu mens, vous êtes en train de jouer dans mon dos pour voler ma fille, ça se fera pas comme ça. Et elle dit quelque chose, je paraphrase, mais elle dit, je préfère tuer ma fille plutôt que tu partes avec. Puis là, j'ai comme fait, what the fuck? Ok, non, à ce moment-là, j'ai comme fait, tu l'as. Fait qu'évidemment, il y a tu. Puis là, c'est comme là, j'étais comme, je sentais le Cronenberg qui est comme, tu sais, comme on parlait d'un fantasme tantôt, le genre, Cronenberg est en train de vivre tout ça, puis qu'intérieurement, tu sais, que tu parlais, il sort sa rage dans son film, là, j'ai comme l'impression que ça, c'est sa petite boule de rage qui était cachée loin, là, que tu veux pas montrer à tout le monde, ben là, il l'a comme, il l'a sorti, là, c'est comme son dernier petit vomi de rage, là, puis en plus, ça veut me voler ma fille. Je vais la tuer, la tabarnak. tu fais comme. On dirait que c'est ça là, qu'il y a dans lui. Là. C'est complètement fou. Là. Fait que moi, ça m'a. Est-ce que tout. Non, ça n'a pas rapport à la question. J'allais dire, est-ce que tous les personnages principaux de Cronenberg. Ben, c'est même pas. Est-ce que lui. Je vais poser ma question, puis vous allez comprendre, ça n'a pas rapport. Ouais. Est-ce que tous les personnages principaux de Cronenberg de cette époque-là, ils meurent à la fin? Le gars, il meurt pas finalement. Mais, non, mais tu pensais à Rabbit? Non, je pensais à The Fly, spoiler. Est-ce que dans Vidéodrome, il meurt à la fin? Est-ce que je ne sais plus s'il meurt à la fin. De... Dans Dead Zone, il meurt. Dans Scanner, le corps du personnage meurt, mais il se retrouve dans l'autre gars. C'est des fins quand même assez différentes avec Cronenberg, puis tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre. C'est quand même assez glauque, parce que même celui-là se finit avec un genre de petit spoiler. Ouais. C'est pas fini tout à fait. Même Existence, ça finit sur une note très. Existence, non, c'est comme. Ben, c'est que, tu sais, Existence, c'est un jeu dans le jeu dans le jeu. Fait qu'à la fin, quand il revient de la réalité, il y a comme quelqu'un qui fait comme. On est-tu encore dans un jeu, là? Ça se finit. Je ne sais pas si je l'ai vu, Existence. Ouais. J'ai pas vu aucun de ses films depuis ce temps-là. J'ai vu aucun de ses films des années 2000. Cronenberg est pas fort sur l'espoir, c'est pas son but quand il fait des films, fait que c'est très rare que ça s'enligne vers ça. Là. Le Cronenberg de 2000, Jeff, est très très très différent du Cronenberg des années 90-80. Le côté charnel, tout ça, est un peu plus disparu, et il est plus dans la psyché humaine et tout le petit côté dark qu'on peut tous avoir. Là. Je trouve. Un contexte beaucoup plus réaliste. T'écoutes, History of Violence et Eastern Promise, c'est vraiment des films très ancrés dans un contexte réaliste. Quoique, c'est ça que j'aime un peu des films. T'sais, t'as beau écouter Vidéodrome, t'as beau écouter The Brood, c'est complètement surréaliste, mais en même temps, c'est filmé dans un contexte pareil, crédible, réaliste. J'ai pas totalement l'impression. The Fly, qui est probablement, on dirait-tu, c'est pas mal son plus science-fiction. Probablement. Ouais. The Fly. Tu sais, Existence, ils ont bien beau être dans un jeu vidéo, là. Y a pas. C'est pas Pixel de avec Adam Sandler, là. T'as pas. T'as pas le droit de relier avec Pixel. Mais écoute, non, mais ça a rien à voir avec tous les films basés sur les jeux vidéo qu'on a déjà vus, là. Tu sais, ils utilisent ça comme mécanisme pour parler de quelque chose d'autre, là, évidemment. Non, mais pensez-y deux secondes. Moi, c'est ça qui me fait débuzzer. Je voulais pas le mentionner parce que c'est touché parler de Brood sans dévoiler des choses, là. Puis est-ce que c'est vraiment dévoilé? Je sais pas. Tu lis des synopsis, puis t'as l'impression qu'ils racontent tout le film sur plusieurs c'est sites. C'est étonnant, ça reste à voir. Mais imaginez, il prend une femme qui va prendre ses sentiments, dont la rage, puis va leur donner une forme corporelle. C'est donner une forme corporelle à ses sentiments pour qu'elle puisse les utiliser contre des gens contre elle ou des gens qu'elle pense méchants. Fait que c'est complètement dingue comme idée, là. Oh oui, oh oui, c'est Cronenberg tout craché, là. Parce qu'il prend un sentiment naturel et qui est vraiment positif, qui est l'accouchement, la naissance, l'instinct maternel, puis il va l'utiliser comme dans le film comme une arme, quelque chose de cauchemardesque. Fait que la vision finale de qu'est-ce qui est supposé être beau en temps normal pour n'importe quel parent de la Terre est devenu le pire cauchemar. Puis je comprends la réaction du père qui est devant ça, il débuzz, là. Tu peux même pas. Tu sais, admettons, t'es dans ton salon, tu sais, des fois, tu cries après un personnage pour dire comment, oh, non. Puis là, quand tu le vois, faire comme oh shit, non, shit. T'es pas en train de se faire comme man, fais attention, cache tes émotions. Tu dis, voyons donc, si je serais à sa place, je serais pas en train de faire comme oh oui, d'accord. Je tiens encore mon rôle jusqu'à la fin. Non, t'oublies ça. Fais comme Christopher Reeve dans Village of the Damned. Là. Fais-toi un mur de briques. Un mur de briques. Ah, ça, c'est une drôle d'image. Hein. Ouais. Ben, c'est ça, moi, je t'expliquais tantôt. Le fait que toutes les petites créatures ont l'apparence de leur fille. Parce que j'ai l'impression que ça prend la forme de qu'est-ce qui... Ben, elle a déjà accouché de sa fille. Fait que ce qui ressemble, ce qui sort de ça, c'est... C'est un enfant qui le ressemble, donc c'est... Ça, mais on dirait que sa plus grande crainte, c'est que sa fille vive ce qu'elle, elle ressent. Fait que dès qu'elle trosse pas quelqu'un ou qu'elle a l'impression qu'il va arriver la même chose, on dirait qu'elle utilise ça comme moyen de vengeance, mais en même temps pour protéger sa fille de manière inconsciente, là, si on veut. Là. J'y vais avec une analyse encore plus autobiographique et Cronenberg qui pitche dans son film des émotions qu'il y a. Sa femme attaquait Cronenberg avec quoi? Sa fille. Genre, sa fille était leur arme de dispute entre eux autres. La femme dans le film, son elle utilise arme, sa fille comme arme. Sa fille. C'est des clones de sa fille pour attaquer le monde. T'sais. C'est son arme. C'est... Je sais pas, là, tu sais, là, j'extrapole puis je vais dans le folk. Non, dans mais ça funky. Fonctionne. Puis en même temps, c'est logique avec ce que Cronenberg essaie de mettre dans son film venant de lui. Là. Je veux dire, c'est un scénario complètement démentiel que seul Cronenberg aurait pu faire. Là. Je veux dire, c'est The Brood, j'ai jamais vu ça ailleurs, honnêtement. Vous avez parlé tout à l'heure de la scène de meurtre qui vous rappelait Don't Look Now. Mais... Non, pas la scène de meurtre. Pas la scène de meurtre, la créature, la petite créature avec un avec son une look. Chose rouge. T'sais. Son look, mais c'est très Don't Look Now. Dans Don't Look Now, quand il pense c'est une grand-mère satisfait. Dans Don't Look Now. Oui, non, mais c'est juste le look, là. On parle juste du look. Ok, vous parlez de l'imperméable rouge. L'imperméable rouge, tout ça. Le fait que ce soit pas une petite fille, mais que ça a l'air d'une petite fille. Ah, ça, c'est même, tu sais, je veux dire, je l'ai lu, puis un peu partout, tu sais, Don't Look Now est mentionné. Là. Ok, fait que c'est voulu de Cronenberg d'avoir fait ça. Je sais pas si c'est voulu de lui, mais c'est pas moi qui l'invente, là. Ok, ok. Non, mais j'imagine que vous avez ressenti ça. C'est juste que sur le coup, je voyais moyennement le lien quand vous en parliez. Non, c'est la référence s'arrête à le look. Ok. C'est le don't look, le look dans don't look. Moi, ma théorie, c'est je pense que Boom Desjardins est un fan de Cronenberg parce que c'est comme la rage dans une cage. Ça dévore le corps. C'est sa vie. C'est cheap, ça dit. Faut pas faire ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou on va extrapoler à l'infini? Écoute, c'est le fun de débattre sur ce film-là. Je crois qu'on pourrait élaborer encore sur plusieurs points, mais non, je crois que ça va être tout. Ouais. Écoutez. On se quitte pas après ce bout de section spoilers, mais vous le savez déjà, là, c'est juste que nous autres, on est en train de l'enregistrer tout ça, tout croche. Mais il y a une petite madame qui va crier, puis on est en section spoilers pour The Changeling. On est rendu à la section spoilers du film The Changeling de Peter Medak. Ben dans le fond, c'est qu'on voulait pas dévoiler que ce petit gars-là qui s'est fait tuer par son père, non seulement son père l'a tué parce qu'il était handicapé. Handicapé. Mais son père a été adopté, un petit gars dans un orphelinat, et est parti avec lui en Europe, je me souviens plus quel pays exactement. Europe, pendant la guerre, ou je trouve. Ouais, pendant la Deuxième Guerre, ouais. Puis, Première. Ah non, c'est vrai, Première Guerre. Puis, il est revenu lorsque cet enfant adopté-là avait 18 ans. Puis, il a fait comme si c'était son fils qui avait jamais tué. Non. Puis, qu'il avait trouvé une cure miracle en Europe. Puis, que tout était tigidou. Puis, il y avait un héritier pour son empire. Justement, parce que pour lui, un handicapé peut pas prendre la relève de lui. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est complètement. Et c'est un petit garçon-là qui a grandi pour devenir à la tête de l'empire. Puis, il est super sénateur, il est super riche. Puis, il vit dans une tour. Tu sais, puis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, le personnage de George C. Scott s'en va le voir pour essayer de dévoiler tout ça. Puis, ce qu'on réalise. Il fait vraiment mal ça. Hey, c'est qui fait mal ça, là? T'es tout comme. Ah, sénateur! Fais-le. Tu peux pas t'arriver en plus fou que plus ça. Plus cinglé que ça. Là. C'est le seul moment dans le film que tu fais comme, man, t'as perdu les plombs. Là, d'habitude, il est tout le temps super calme, super posé. Prends rendez-vous. Fais-toi passer pour quelqu'un d'autre. Ouais, on dirait qu'il va courir à l'aéroport. Hey! Ah, on dirait que ce moment-là, il se laisse aller sur les pulsions de la rage. On dirait qu'il a l'air juste à haineux envers cet homme-là avant même d'y avoir parlé. Mm-hmm. Alors qu'on se rend compte finalement, à moins que j'aie mal compris, là, même lui n'est pas au courant. Le sénateur n'est pas au courant. Non. Lui, il pense que c'est son père, je pense. Ouais, c'est ça. Le genre, il aurait été adopté hyper, hyper jeune. Je pense que c'est ça qui le frustre à la fin quand il prend son médaillon. C'est du toc. Ouais. C'était même pas le bon médaillon. C'est ça que j'ai vu dans. Non, mais c'est ça que j'ai vu dans sa face. Là. Okay. Je l'ai dit à la française aussi. Ouais, c'est ça. J'étais comme, mon Dieu, mais quelle traduction. C'est du toc. Putain. C'est ça, non, il dit rien, il fait juste le prendre, puis il fait une face. Ben, oh, c'est même pas vrai, ça. Ouais, puis tu sais, il y a comme une réplique de genre, mon père serait jamais capable de faire quelque chose comme ça, tu sais, puis tu sens qu'il est vraiment comme en maudit, genre, ta gueule, tu peux pas parler de même de mon père, tu sais. Fait que c'est ça, c'est quand même un nestige de punch. Ce qui me gossait, je pense, ce qui arrive, tu sais, quand ça se met tout à chez l'équipe, c'est comme, le gars, il fait quoi, il se dédouble ou bien quoi, il se ramasse. J'ai comme, non, j'ai comme l'impression, moi, c'est mon feeling, c'est que le fantôme, il donne une vision, mais que George C. Scott voit la vision, ouais, c'est ça, pas il se dédouble, mais tu sais, parce qu'il est connecté, lui aussi, depuis le début au fantôme, ouais, George C. Scott, fait qu'il voit en même temps ce qui arrive. C'est comme si le fantôme, il montrait, check, je suis en train de communiquer avec, puis il est ici, dans la maison avec nous autres, là. La vision, d'après moi, est tellement forte que ça lui a fait faire une crise cardiaque à l'autre. Là. C'est ce que je comprends. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Là. De réaliser, est-ce qu'il y a un fantôme? Je viens de puis, tu sais, le fantôme, il montre carrément son père en train de se faire tuer. Tu sais. Ouais. Donc, la réalisation de tout ça est trop hard. Là. Mais moi, je sais pas, j'ai vraiment adoré cette finale-là. Je trouvais que ça terminait bien le film. Puis c'est drôle, c'est pas un film que je repense par bout en me disant « Ah, cette scène-là, je l'aime. » Non, je repense globalement au film. Je crois que ça forme un tout, puis j'ai de la misère à détacher les scènes. Je trouve que quand je pense au film, je pense vraiment au film. Même la scène de l'accident au début est vraiment puissante. Oui. Tu vois pas la femme puis le fils se faire, puis sa fille se faire frapper. Non. Mais tu vois la vanne rentrer dans le char, puis le char ramasser quelque chose, puis le rentrer dans le... T'es comme « Oh, fuck, non! » Puis ça, son... Ils sont mortes, là, tu sais, là, t'sais, ça choque comme scène, là. C'est vraiment, là, c'est vraiment puissant. Tout le long, le truck avance, puis tout, tu vois, George C. Scott qui fait une face, fuck, c'est inévitable, puis je peux rien faire, là, t'sais. Ouais, il est juste comme dans sa cabine. Tu vois dans la cabine, ouais. Là, il voit tout ce qui s'en vient, c'est... Non, c'est horrible. Puis Jeff l'a mentionné rapidement, mais la scène du puits que j'adore, et que ça a été pour moi, d'après moi, une influence pour l'auteur de Ringu, là, de retrouver le cadavre du fantôme au fond d'un puits enterré avec les ossements. Là. Elle est vraiment bonne aussi, cette scène-là, dans la maison. J'ai vraiment aimé ça. Puis, il y a de quoi dans le montage qui est vraiment écœurant dans cette scène-là? C'est, tu sais, bon, la mère raconte, ma petite fille a eu un cauchemar, blablabla, puis... C'est un radar dans mon lit, mais là, whoop, la scène d'après, la petite fille se lève en plein milieu de la nuit. Puis là, George Scott qui avait comme dit ouais, ben c'est ça, on aimerait peut-être défoncer le plancher là, pour aller voir. En fait, je vais y penser. La petite fille se lève, voit le fantôme, cut, il a chain ça dans le plancher. C'est comme... ok, t'as compris. Je pense que la mère, elle l'a vu aussi à ce moment-là. Je pense qu'elle a comme poigné sa fille dans ses bras ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis elle l'a vu, je pense. Ouais. Fait que ça y a comme fait, ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Elle est écœurante, cette petite scène-là. Là, de la petite fille qui s'avance. Puis t'es comme, oh shit. T'sais. Pourtant, le fantôme est pas épeurant. Là. Je pense que c'est ton cerveau qui te fait. Oui. Ça va être épeurant. Finalement, c'est pas si épeurant que ça, mais c'est l'attente de quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça qui arrive quand tu fais juste suggérer. On dirait que ton cerveau fait tellement toute la job sur le reste que ça devient plus terrifiant que n'importe c'est quoi comme... qui t'aurait montré. C'est comme tout le reste du film, tout le long. J'ai tout le temps peur qu'il y ait quelque chose qui descende des escaliers du grenier, tu sais, puis tout le temps. Peur d'avoir une silhouette ou quelque chose, tu sais. De Woman in Black, genre, là. Woman in Black Star. Ouais. Tu sais, on s'entend que Woman in Black aussi. A été influencé par ça. Là. Ah, toutes ces affaires-là qui se passent dans des grandes maisons. Mais c'est pas le premier, tu sais. C'est pas le premier, non. Oui, non, c'est ça. Mais il est dans cette lignée-là, là. Dans cette lignée-là, mais il a abordé le sujet de manière différente des autres. Il a apporté son lot de nouveautés, puis ça l'a influencé grandement d'autres réalisateurs par la suite. Oui. Non, en fait, c'était ça. Moi, la finale, c'était juste ça. C'est pas si décevant que ça. Je pense qu'on sort du film, on fait « OK, c'est un bon film. » C'est vraiment un très bon film. Mais moi, la finale, je la trouve molle un peu. Oui. Ça pourrait être d'autres choses. Puis c'est l'explication, c'est tout ça. Je suis comme... Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par l'explication? Non, mais c'est ça. C'est que... Non, vraiment... De cette façon. C'était plus le dédoublement, en fait, que je comprenais pas. Je pense que c'est pas ouais. tant le fait qu'il ait pris la place du vrai fils. Là. Je pense que c'est plus le dédoublement qui Le dédoublement, il est douteux. Tu sais, quand tu vois, tu fais comme ah, ouais, ok, bon, ben écoute, c'est ça, puis c'est tout. Parce qu'on voudrait que ce soit autre chose. Quand j'ai vu monter l'escalier, je me suis dit ah, ok, il est parti de son bureau, il est venu en char, puis tout. Non, finalement, on l'envoie dans son bureau. Je suis comme ah, qu'est-ce qui se passe, là, en fait. Il est où, là, pour de vrai ouais. Mais c'est juste ça. Dans le fond, c'est vraiment... Ça t'a vraiment fait un mindfuck, dans le fond, toi. Ben, moi, ce qui me gosse, là, puis c'était vraiment inutile, c'est quand on voit tous les décombres de la maison, puis tu vois la chaise, puis rappelez-moi, elle bouge. Non? C'est pas un petit... Non, même pas, elle bouge pas, c'est juste que t'as le petit truc à musique qui s'ouvre, puis la chanson oui. à part. C'est... Ouais, c'est ok, c'est puis ça. Puis le générique enchaîne avec cette musique-là, je trouvais ouais. que c'était bien amené, ça aussi, là. Ça me donne-tu le feeling que le fantôme est encore là? Je sais pas. Non? Ok, tu vois, je m'attends tellement à ce que la chaise elle bouge à la fin que. En même temps, elle bouge. Mais le fantôme est supposé avoir disparu. Je veux dire, est-ce qu'il est relié juste à la chaise puis il va la suivre n'importe où que la non, chaise ben, va moi, ce que je vois, c'est que le fantôme, ce qu'il voulait, c'était que George C. Scott ait présenté tout ça à Melvin Douglas. Parce que là, il était comme shit, j'ai George Scott qui habite chez nous. Melvin Douglas s'est rendu sénateur. What the fuck? Non, c'est il est tard, hein? Mais non, tu sais, c'est comme. Lui, il voulait juste que ça sache. Ouais. Il voulait juste que ça sache, le fantôme. Tu sais, il voulait. Je suis même pas sûr qu'il voulait tuer Melvin Douglas, dans le fond. Il a fait faire une crise cardiaque parce que il est rendu qu'il a. Qui est 80 ou je sais pas trop ben, quel âge qu'il a. Il y a quand même des mauvaises intentions. Là. Il a fait tuer un peu le policier qui allait y ramener des informations. Là. Le policier qui allait l'empêcher de dévoiler ce qu'il avait à dévoiler. Ouais. Fait que, tu vois qu'il a pareil ouais. des grosses intentions jusqu'au bout. Là. Il est prêt à tuer des gens. Oui, mais ouais, sauf que c'est ça. Mais une fois que tout est dévoilé, c'est comme ok, bon, c'est good, je brûle la maison, c'est fini. Ouais. Puis j'y repense, là, mais. Est vraiment bonne la scène entre George C. Scott et le sénateur dans le bureau quand ouais. il commence à dévoiler les choses parce que sur le coup tu prends pour acquis comme George C. Scott que le gars il sait là, tu sais, que c'était tout prévu puis qu'il sait qu'il a été échangé puis il est au courant, mais quand il raconte l'histoire puis qu'il pense réellement que son père c'était quelqu'un de bien puis qu'il a pas fait ça, tu le vois dans son regard, tu le vois dans ses réactions qui ce qu'il dit il pense pour de vrai, il est vraiment pas au courant de tout plus ça. Plus quand il dit ok tu veux un chèque là, combien là? Tu fais ouais. comme, oh le tabarnak. Tu sais, t'es comme, bon, Alice. Mais là, finalement, non, c'est juste comme, regarde, il y en a plein des trous de cul comme toi qui viennent chez nous, là. Combien tu veux, là, je vais te faire ma gueule juste pour que tu t'en ailles chez vous, là. Mais finalement, il veut rien cacher. Il est sûr que c'est pas vrai son histoire. C'est que ouais, c'est ça. Cette scène-là que tu réalises finalement que Melvin Douglas était pas au courant, tu sais. Lui, il est aussi victime en bout de ligne, moins que le petit gars, là, on s'entend, moins que Joseph, mais quand même, là, tu sais, lui, il est. Est-ce qu'on peut vraiment y en vouloir, tu sais, au bout du compte? Mais non, tu sais, je veux dire, non. Ça ne l'est jamais fait dire, il a juste été élevé comme un enfant normal, puis à 80 ans, quelque, je sais pas trop, t'apprends que ton père a tué son vrai fils, puis il t'a remplacé, tu sais. T'étais le remplaçant de son fils qu'il a pas aimé. What the fuck? C'est un mindfuck total. Là, ah ouais, aucune chance de trouver ses parents biologiques à cet âge-là. Non, tu sais, c'est même pas genre à 50 ans, t'apprends que t'as été adopté. Non, t'apprends pas que t'as été adopté. T'apprends que ton père a remplacé son fils qu'il aimait pas partout. Fuck. C'est... L'aspect dramatique fonctionne vraiment, ce film-là. Ouais. Émotionnellement, ça me pognait au trip. C'est vraiment réussi. Mais c'est ça, puis la scène de séance, tu sais, le petit gars, sa voix, tu sais, jamais, c'est genre... C'est jamais... jamais effrayant. Là, tu sais, c'est une petite voix plaintive qui est My metal! Puis tu sais, langoureuse, là, tu sais, ce que tu dis. Quand il réécoute la séance, là, puis là, tu l'entends de plus en plus à chaque fois qu'il monte le volume, la voix, ça. T'sais, même si c'est pas une voix démoniaque et exagérée, c'est... même si c'est une voix d'enfant, je trouvais que ça donnait la chair de poule. Oh, oui, vraiment. Oui, cette séance-là, cette scène de séance-là était écœurante. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Non. Cool. Bon, ben là, c'est la vraie fin de la section spoilers. Fait que pour vous qui nous avez écoutés jusqu'à la fin, merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas, surtout, de garder ça horreur. Ciao, ciao!